Ok Google, quelle est la meilleure émission? C'est Sbazi Radio tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur hashtag. Bonsoir. Coucou tout le monde. Back. On est là pour une émission. Faut que je baisse le son, j'ai failli oublier, évidemment. Ah, mince. On commence déjà mal. T'inquiète. Ça va Esther? Ça va et toi Hugo? Ça va Alice? Oui, très bien. Ouais, on a Alice avec nous. Voilà, c'est bon comme ça? Oui, genre comme ça. Nickel. Voilà, alors on a une invitée qui est assez novice dans le milieu de la radio. Assez donc, débutante. Exactement. Voilà, donc elle s'appelle Alice. Donc voilà, vous pourrez bonsoir. Interagir faites avec comme elle. Comme dans les trucs des alcoolos. Bonsoir Alice. Ah oui, de fou. En vrai, c'est ça. C'est, voilà. J'ai... On est là ce soir pour une émission de 2 heures. Yes, deux fois plus de bonheur avec exactement, nous. Exactement, 2 fois plus de fun. C'est pour nous rattraper de ne pas avoir été là le 23 parce que vous avez été triste. Mais c'est pas grave, les replays sont dispo sur... Sur Spotify et Google Podcast. Yes, elle a réussi à le dire. On n'oublie pas de nous suivre sur quoi? Sur hashtag et sur Instagram et Twitter. Qui sont affichés où ça? À l'écran. À l'écran? Ouais, ils sont affichés. Bon, de toute façon, c'est Sbazi Radio. Dans Alice, on l'entend pas trop dans le micro, faut parler fort. Oui, oui, comme ça, c'est bon. Genre, pose attends, j'ai une idée. Comme ça. Attends, voilà. Attendez, je vais aller augmenter ça, Alice ici. Hop. Je vais l'augmenter un peu. Vas-y, Alice, normalement, c'est bon, on t'entend bien là. Là, vous m'entendez? Ouais, là, c'est mieux. C'est bon? Avec le petit accent marseillais. Merci. Vous m'entendez? Voilà. Bon alors qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu une émission de un faux folie. Programme. De ah, oui, faux oui. Folie, de folichon. De fun. On alors, aura, n'oubliez pas les paroles de 2018, comme vous avez l'habitude toujours, n'oubliez pas les paroles. Oui. On parlera des résolutions de la nouvelle année aussi, parce bah, que oui. Est-ce que vous en faites et ou pas. Et on pourra parler un peu de votre Noël, ce qui s'est passé, ouais, bon, les aussi, moments blabla, voilà. On a plein de sujets. Notamment, il y a des petits sondages en haut à droite, alors pour la semaine prochaine, la spéciale 2011 ou 2014, vous votez en haut à droite dans le petit « i ». Allez vous prendre de bonnes résolutions. Vous avez le sondage en haut à droite, voilà. Dans le petit toujours. Et j'ai mis en deux, la deux, attends, t'as j'ai deux remis fois, la même question. Attends, l'autre question. L'autre oui, question dire... c'était. Mais quand on parle pas. C'était je sais plus. Je vais aller regarder. Ah mince. Bon, j'arrive. De toute façon, dans la fiche, le petit i en haut à droite, vous pouvez répondre au sondage. Donc faites-le. C'est bon, c'est avez-vous passé une bonne année 2018? Ah bah voilà. Et on verra les résultats à la fin, voilà, de l'émission. Ensuite, bon, on a prévu des karaokés, en veux-tu, ouais, en voilà. Ouais, on va chanter karaokés, quoi. Karaokés par-ci par-là. Oui. Les coups de cœur musique de 2018. Qu'avez-vous prévu au jour de l'an, donc qui est demain, le réveillon du jour de l'an? Oui. Un peu d'actu 2018. On n'a pas dit grand-chose, mais on parlera un peu de notre année, quoi. Oui, voilà. Et meilleur ou pire souvenir de 2018. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir. Et ensuite, t'as pas dit, tout au, oui, long de l'émission, on fera le top 10 des chansons qui ont été le plus écoutées, ah oui, ouais, en 2018. Yes. Et sur Deezer, donc on s'est appuyé sur les sources de Deezer, donc voilà. Voilà, donc Alice, je te laisse dire bonsoir aux gens sur le bon, petit bah, chat. Bonsoir, bonsoir Sandrine. Voilà. Bonsoir, bon ben bah, on commence tout de suite. Il faut trouver un surnom aux fans, les Sbazou, les Sbazeurs. On l'a les pas. Sbaziteurs. Les ah, il est pas encore arrivé. Bon, merde. Je t'avais dit ça. En fait, on a deux ordinateurs avec le chat et notre chat avec Alice, il est un peu en retard. Donc, ah, mince. Ah, mince. Oh, vous allez pleurer, je vais essayer de vous le mettre pas. Vas-y. Voilà. Bah, écoutez, donc on va commencer déjà le top 10 de 10 heures. On va écouter One Kiss de Calvin Harris. Et de Dua Lipa. Yes. Et après, on écoutera des extraits du top 9, 8, 7 et 6. Juste après, évidemment, bah, le top... j'ai déjà perdu le numéro. Mais le top 10. Le top 10. Voilà. C'était One Kiss. Attends. C'est quoi cette musique? On va voir si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'anniversaire à qui ce soir? À ton papy. Yes, ton grand-père. À papy, c'est Claude. Bon, il peut pas commenter. Joyeux anniversaire, Claude. Forcément, c'est... Joyeux anniversaire, le grand-père d'Hugo. Mais voilà, parce que j'ai vu ça sur Facebook tout à l'heure. Il a Facebook. Et attention. Il a quel âge? Ah ben voilà, c'était la question qu'il fallait, ouais, pas dire. Il est jeune. Ben, j'en doute pas. Il est encore jeune, voilà. Donc bon anniversaire papy, de toute façon je t'appelle tout à l'heure. Voilà. On va passer à quoi? Alors on va passer au attention, top 9. Suspense, suspense, suspense, suspense. Donc je sais pas si vous l'avez, je sais pas s'ils ont bien compris, hein, ce qu'on allait, oui, faire. Donc nous allons écouter des extraits du top 9, du top 8 et du top 7 et du top 6 des chansons écoutées, les plus écoutées sur Deezer voilà, de l'année. Ouais, voilà. Ouais. Du coup... Donc le top 9, c'était quoi? Ah, il a 76 ans, d'accord. On t'a entendu à l'oreillette. Ah, mais oui, il est jeune. On a notre petite oreillette qui vient nous voir. Voilà. C'est papa, hein, clairement. Du donc... coup, en top 9, on a qui? Je vous laisse. Alors, on a du L'Algérino Va Bene. Yes. Va bene, ma bella. La la la la. C'est la BO du la bande originale, on va dire plutôt. Ouais, de Taxi 5. De Taxi 5. Tu l'as vu toi d'ailleurs le film? Non, moi je l'ai pas vu. Tu l'as pas je vu l'ai vu. Et toi? Enfin, moi j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Ouais. Genre, mais ça est-ce change, que c'est un peu fait. Comme comment ça s'appelle le film, la Pataya? J'ai Pataya, ouais, je l'ai pas délire, vu en fait. Mais oui, si, c'est le même. En fait, si tu veux, ça change, je trouve. Ça rajeunit un peu le taxi. Genre, tu sais, t'as tout le monde qui s'est plaint, hein, c'est pas pareil qu'avant et tout. Mais genre, en fait, c'est bien, ça change. C'est différent. Mais ouais, c'est sympa, exactement. Moi j'ai bien aimé. Bah ça, à retenir. Voilà. Et bah oui, donc on l'a entendu tout l'été, Va Bene, hein, mais vraiment, vraiment oui, c'était le tube. Ouais, de fou. Bah il y en a eu plein des tubes, hein, celui d'après aussi. Hein. Oui. D'ailleurs, j'avais vu, il était sorti en 2017, mais vu que c'était fin 2017, et ben il y a beaucoup de monde qui l'a écouté. Ouais, voilà, ouais. Donc, tout ouais. le long. Et le top 8, c'est. Attends, mais je voulais encore parler de Va Bene. Vas-y, dis. Alors dites-nous, bah, à chaque top qu'on mettra dans le chat, dites-nous si vous avez bien aimé la chanson. Ah oui. Et si vous l'avez déjà entendue, parce que ça se trouve, non, peut-être vous avez vécu dans une grotte cette année, clairement. Ou alors voilà. Vous écoutiez Nostalgie, hein, ce qui peut arriver. Ça peut arriver aussi. Et ça dit, il écoute le papy, oui, il écoute yes, le papy. Yes, il écoute. Normalement, oui. Et si Bastien et papa ont bien fait leur boulot, lui ont envoyé le lien. Oui, voilà. Alors, voilà. Le top 8, c'était... Le top 8, c'était... Attention. Havana ou Nana. J'aime trop. On chauffe la voix pour le karaoké de tout à l'heure. Ah oui, ça c'est... Celle-là, vraiment, on l'a entendue. Ah ouais. En fait, on l'a entendue en 2017. Alors, on a commencé à l'entendre en 2017 parce que je me souviens, petite anecdote, tiens. Vas-y. J'étais à LA à Énergie il y a un an et un jour maintenant, à Énergie à Pau. Et cette musique passait, et je me souviens qu'en avril j'ai été retourné, un truc comme ça, et elle passait elle toujours. Encore. Ah ouais, d'accord. Enfin, en avril, je me souviens qu'elle passait toujours. Enfin, bon, ils ont passé je sais pas combien de mois. Mais en tout cas, je crois qu'elle est sortie genre en septembre ou un truc comme ça. Non, je crois qu'elle était. Il me semble avoir regardé, elle était sortie en fin décembre. Un truc comme ça, c'est pour non, ça. Non, ça c'est l'album qui était sorti en fin décembre. Ah bah oui, bah alors c'était. Et elle avait sorti avant le single, je m'en souviens. Ah bah voilà. Parce que j'aime beaucoup Camila Cabello, donc voilà. Mmh. Ah, elle est fan de Ariana Grande, Camila Cabello, elle est fan d'un peu tout le monde. Oui, j'adore la pop culture. Mais celle-là, elle était cool de chanson. Ouais, elle était entraînante. Je vous ai totalement coupé. Je disais, elle était entraînante. C'est pas grave. Alors attendez. Hop, voilà. Ah, NF, c'est Nasser. Je viens de capter. Ah, bon ah. Oui. Avec Yanteg, Havana. Oui, bah oui, c'est Yanteg. On a je oublié de dire plus featuring. Du ah oui, d'accord, oui. Oui, oui, oui. Ouais, bah, en plus, c'est affiché devant moi. Non, mais... C'est pas grave. Ouh, c'est bien affiché sur le programme. Ah non, pas sur le programme, c'est pour ça. Oui. Le top 7, c'était quoi? Alors là. Une super belle musique aussi. On l'a beaucoup entendue. Celle-là, elle est grave cool. Ouais, genre, tout l'été, on l'a entendue. Ouais. C'était. La la la la la. God's Plan. Mais Drake, j'adore ces musiques. Genre, elles sont trop détendues. Ouais, non, Drake, je suis fan. Au bord de la piscine, c'est génial ça. Ouais. T'es comme ça en train de bronzer et tout. Vivement l'été. Ouais, je crois qu'elle a été. Je sais plus si c'était pas la plus streamée ou en tout cas, il a eu le meilleur début d'album. Ou un truc possible. Comme ça, genre. En tout cas, ça a été la 7e chanson plus écoutée sur Deezer en 2018. Voilà, ouais. Cette année. Donc, mais vraiment, c'est pas. Après, il y a beaucoup de Français parce que forcément, c'est Deezer France là. Donc, Oui, c'est pour c'est ça. C'est pas écouté dans le monde, hein, c'est écouté en France. On est Français donc on prend le Deezer France. D'ailleurs, le top 5, je viens de regarder, il y a que des Français. Et Cardi B aussi. Béré qui dit. Ah, qu'on a beaucoup entendu. Overdose, Cardi B, ouais. Ah oui, overdose de Havana et Cardi B. Oulala, Havana, oulala. Oulala. Cardi B, elle est pas dans le top. Non, Cardi non, B, mais elle est pas dans mon dans coup le top. De cœur, vous verrez. Ouais. Je tease. On tease un petit peu parce que après, nous allons passer pas du tout à ça. Quoi? Ah, c'est vrai, après, on passe direct au karaoké. Et je pensais on passait au top 5, mais non. Ah non, non. Après le tout ça, on passe au karaoké. Et après le karaoké, on aura la meilleure ou pire. Non, meilleur ou pire souvenir de 2018. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir. Et vous nous les direz quand on en parlera. Est-ce qu'il serait pas le moment de passer au top 6? Oui. Alors, grosse musique. Après le 15 juillet, qui est d'ailleurs, on va encore en parler dans les événements de l'année, je tease encore, on a gagné la Coupe du Monde et il y a eu cette fameuse chanson de VG Dream. Et ça c'est le jeu de l'amour. Samuel Umtiti. Voilà, ramener la coupe, à la maison. Mais celle-là, le elle reste Havana Club dans nos cerveaux, hein, dans la tête. Le Havana Club, on ne s'en lasse pas. Vive le Mojito. Bon. Rapport à Havana. C'est pas chanson. Grave. Bref. Non, mais cette chanson, ramener la coupe à la maison, l'a beaucoup trop entendue. On l'entend toujours d'ailleurs. Tout l'été. Elle passe toujours. Attention, refrain. Ramener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Vous inquiétez pas, quand on chantera, le son ne sera pas en décalé, puisque là il doit être en décalé, ça doit être horrible pour vos oreilles. Oui. Courage mes loulous, on est là que pendant 1h45 encore. Voilà, c'est très long. Est-ce qu'il serait pas l'heure de passer au petit karaoké? Ben oui. Après, donc on fera le top 5 entre deux karaokés d'ailleurs, je viens de voir, on les enchaîne les karaokés. Ah ouais, non mais attends, t'as pas vu un tout petit, il y a meilleur ou pire souvenir et on aura l'actu 2018. Ah aussi, oui, bah, ça va, il y a du temps. Oui, alors, le deuxième karaoké arrivera vers 45. Voilà, si alors ça c'est dans un karaoké que moi et Alice, on va l'enchanter, on va vous interpréter. Et vous commencez. Voilà, c'est on va chanter, je peux le dire. Mais oui, vas-y. L'amour brise sous les je vais le refaire. Parle français par contre. Hein. Oui, l'amour brise sous les étoiles, le roi lion. Voilà. Eh ben allez, moi je dis c'est parti, la scène est à vous. Oui. Bah on va clairement aller au projecteur en direct quoi. Eh ben allez. Hugo, mets la musique. C'est parti, on y va, le roi lion avec Esther et Alice. Vous notez sur 10 leurs prestations dans le chat et soyez on verra indigent, qui, s'il vous plaît, qui hein, ont eu les meilleures gentil. Prestations à la fin de l'émission. Mince. Petit problème. Elle commence pas du début, il fallait c'est que ça arrive. Est-ce que dans celui-là il y a la voix de Simba? Parce que tu sais, c'est oui, dans celui qu'on a fait. J'ai mis la voix de tout le monde là. Super Hugo. C'est allez, bon. Vas-y. Attention, c'est à vous. Terrible, c'est affreux. Et il se moque de tout. Attends, fais Pumba. L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux. Où ? Sous les diamants des étoiles. Quel magique univers. Mais dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie vit un moment royal. Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes? Impossible, elle serait trop blessée. Secret cache-t-il derrière tant de rancœur? Mais je sais qu'il est ce roi en exil qui règne dans mon cœur. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie vit sa plus belle histoire. L'amour brille sous les étoiles, illuminant leur cœur. Sa lumière éclaire à l'infini un sublime espoir. S'ils s'enfuivaient leurs rêves ce soir, dans leur folle ronde, si notre ami nous dit oh, revoir, nous serons seuls au monde. N'hésitez pas à noter cette prestation. Voilà. Notez c'est... cette prestation sur 10. Et c'était la prestation d'Esther et Alice. Et Alice, on a la deuxième qui commence. C'est pas bon. Mince. Toujours les petits problèmes. Bon, alors dans le chat, ça rigole. Ça rigole beaucoup. Ça a beaucoup rigolé. On a Bérénice qui a dit mes oreilles. Oh, c'est pas gentil. Super. La météo va changer. Oh bon, bah God, écoute, j'ai horrible. L'impression que tout le monde a kiffé quoi. Ouais. Je vois ça. Ça a beaucoup plu apparemment. Bon, voilà, ça fait plaisir. Il est temps de passer au moment des meilleurs et pires souvenirs de 2018. Alors, ah oui, ben on attend les notes par contre. Vous chantez super bien. Merci, c'est gentil. Notez leur prestation sur 10 et on verra qui a eu la meilleure note à la fin de l'émission. Oui. Évidemment, 1 sur 10. Je ne sais pas d'où il sort le point. C'est gentil, c'est méchant, merci, hein. Trop gentil. Hein. Bérénice, vraiment. C'est pas très sympa. 0,5, bon. ça vient de dire vous chantez super bien, mais ouais, ça fait 0,5. Ouais. C'est très hypocrite quoi. C'est pas terrible, hein. Je vous laisse commencer. Qui veut commencer par son meilleur ou pire souvenir de 2018? Alors allez-y. Moi, merde, mais je sais pas du tout. Nicolas, tu me prends un peu au dépourvu. Ouais, mais non, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, un souvenir au pif. Qui t'a plu? Par exemple, le caddie. Oui, non. Alors ça, c'était en fin d'année. Alors moi, j'ai bien aimé mon été. Genre faire la fête, j'aime trop l'été en fait. Genre, c'est génial l'été. Ouais, genre j'ai passé un meilleur été, je trouve, que celui de l'année dernière. Et voilà quoi, j'ai un peu fait la plage. Ouais, voilà. Genre plage, musique au bord de la piscine, moi j'aime trop. Et voilà quoi. Et on s'est beaucoup vu, Hugo, pas toi, Hugo, ouais, un autre Hugo, Alice et moi. Genre on était un peu le trio quoi. De l'été quoi. Et je kiffe. Le petit trio voilà. De l'été. Je suis clairement en train de manger en même temps. Ah, 10 sur 10, faut pas se moquer. Écoutez, merci. C'est une spéciale jour de l'an, il y a des bonbons. 7 au jour sur de l'an, 10. Donc ici aussi il y a des bonbons. Ça va, ils ont été plus sympas les autres. Ouais, notes. Merci, oui, c'est gentil. Je vous aime. Tiens, Bastien, fais mon assistant, tu les prends en photo. S'il te plaît. Ça. Les notes. Prends en photo les notes. Au pire, c'est heureusement que Bastien ne fait pas cette émission tout le temps avec. Bah... Non, prends un Polaroid. Il vient quand même de poser la question avec mon téléphone. Bah non, tu pas. Non, sans. Tu prends un Polaroid quoi. Il a clairement failli tout défoncer. T'imagines, on n'aurait plus d'électricité. Ça serait coupé d'un coup. Mais vraiment, heureusement, il fait pas cette émission avec nous. Hein. C'est une catastrophe de l'avoir à côté tout le c'est temps. C'est pas grave. Bref, Alice a un souvenir de 2018. Moi, un souvenir, c'était la fin d'année des cours avec Esther. Franchement, on s'est beaucoup amusé. Oui, c'est vrai. Avec les professeurs et tout, on faisait un peu. Parce qu'on était dans la même classe l'année dernière. Du coup, c'était la fin des cours et tout. Il faisait beau et tout. Et franchement, c'était super cool. Donc, il y avait presque personne en cours. Et on avait joué jusqu'à la fin. Devine la personne. Ouais, là, genre avec Monsieur Atlan. Ouais, c'est vrai. Faut pas dire les prénoms des profs. Ah oui, j'ai dit personne. C'est pas grave. Non. Ouais, c'était bien drôle. Franchement, c'était cool. Super, ouais. Voilà. Oui. Et Hugo, toi? Ah, moi. Oui, tu es un peu dans l'émission. Moi, c'était... Ah bon? Moi, c'était le voyage aux États-Unis cet été. Je parle tout le temps. J'ai l'impression d'en parler à chaque émission. Ah oui, c'est vrai. C'était bien, non? C'était trop beau. Ouais, j'aimerais trop y aller. Non, mais sinon, l'année dernière, genre, c'était sympa. Genre, mes potes de classe et tout, il y avait plutôt une bonne ambiance. Ouais. C'était pas la meilleure classe, parce que la meilleure classe, c'était quand même celle où on était en quatrième. Non, c'était en troisième. En troisième, ouais, les rescapés troisième. Ah oui, cette classe était géniale. Oui, ça, c'est sûr. Non, mais voilà, ouais. C'est sûr. Ça y est, je parlais des États-Unis, elle se met à parler avec un accent. De fou. Dites-nous votre meilleur souvenir de 2018. Ou votre pire, hein, parce que ça se trouve, c'était une catastrophe. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai pas petit sondage en haut à droite, est-ce que vous avez passé une bonne année 2018 ou pas? On fera le point à la fin de l'émission. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à ce live si vous aimez pour la force, pour nous donner de pour la force. Pour l'équipe Balgé Radio. Voilà, n'oubliez pas. Et cette nouvelle console est en service? Je l'ai déjà dit, en plus je lui ai déjà dit. Hein. Ah. Oui. Je t'ai dit que ça arrivait en janvier, qu'il y avait du retard. Ah, voilà. Donc voilà. Donc triste. Du oui, coup, c'est pour ça qu'il y a encore plein de problèmes. Oui, c'est très triste, j'ai envie de pleurer. Voilà, non, mais sinon, mon voyage était très sympa, on a beaucoup rigolé aussi. Ouais. Et puis, il y a Bastien qui rigole tout seul là-bas, tu te demandes pourquoi. Mais voilà, hein, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme souvenir en 2018 ouais. J'en ai fait des choses. Moi j'ai bien aimé le blocus que j'ai fait à mon lycée. Pendant une semaine, c'est trop. Alice était mon acolyte quoi. Ouais, on était que toutes les semaines. Moi j'ai bien aimé le regarder, c'était marrant. Dans les snaps là. Ouais. Bah, j'étais en cours en même temps. Donc, ah, mais toute la semaine on a eu des blocus, c'était la routine quoi. À la fin il y avait un feu devant le lycée, c'était normal quoi. Tout le monde s'en foutait, hein. Tout le monde passait à côté, sympa. ça rappelle, ça réchauffe. Mais ah si, en 2018, il y a un truc qui était bien aussi. Quand j'étais au Grand Prix de Formule 1, le truc au Castellet, vous voyez pas ce que c'est? Non, mais je crois que j'en ai entendu parler. Là moi. Où il y avait David Guetta aussi. Oh, qu'est-ce que c'était bien. C'était quand ça? C'était en juin. D'accord. Voilà, il y avait eu en juin aussi, j'avais été faire le summer cette année. J'ai fait beaucoup trop de trucs cette année. Beaucoup de choses en 2018. En même temps, j'ai gagné 500 millions de trucs d'ailleurs sur énergie. Oh, trop cool. Voilà, et j'en fais pas profiter les autres. Si, j'en fais profiter Bastien, parce qu'il doit m'emmener après. Oui. Mais du coup, voilà, j'ai passé une plutôt bonne année. Hein. Votre année, ça va, c'était sympa. Ouais, 2018. Moi, j'ai pas de pire souvenir. Enfin, je me souviens pas de. Pire souvenir ? Non, moi, je. Non. Je sais pas, ça va pour l'instant. Ouais. Y a pas vraiment un truc qui m'a. Bastien, t'as un meilleur ou pire souvenir ? Tant que t'es là, profite. Non, il a rien. Bon. Ah, vas-y, explique-nous. Bah, ça, on l'a déjà expliqué beaucoup trop de fois. D'accord, le meilleur souvenir qu'on a déjà expliqué, mais on le réexplique encore pour la quatrième fois. Non, mais je te réexplique pas, c'est quand on a compté les marches dans les escaliers de l'hôtel de Las Vegas. Ah oui. Qu'il y en avait 637, je crois. Ah ouais. Il me semble plutôt que c'était 634. Ah, excuse-nous. Je sais plus, mais d'ailleurs, le replay est sur Spotify de ça. C'est le premier, tout premier replay du 30 septembre. Ça veut dire que fait 3 mois déjà. Ça fait 3 mois qu'on fait ce bazar. Non. 4 mois, non. Ah ouais, attends, non. Si, on a commencé en fin août. Attends, fin la première fin août où j'étais au téléphone. Donc ouais, ça fait longtemps. Non, pas fin août. Tous les dimanches, je vois sa septembre. Tête. Ouais, ça fait 3 mois déjà. Et le 23, c'était un peu une pause. Mais quoi, c'est notre repos. Meilleur souvenir, c'est le début de ce bazar radio. Oui, oui. Et oui, et du coup, t'avais un autre meilleur souvenir, tu m'as dit. Non, mais c'est pas un meilleur souvenir, mais c'était des conneries au lycée qu'on faisait. Une fois on était en cours avec ma prof d'histoire, on avait fait une pyramide avec des tables et des chaises, elle avait pas vu la prof. À la fin ça a touché le plafond et à la fin du cours elle s'est retournée et elle a fait oula mais qu'est-ce qui se passe dans la classe et tout. On s'est tous retournés, on a fait croire qu'on savait pas qu'est-ce qui s'était passé et tout. Oh non. Et du coup après la prof elle nous a crié dessus et tout, puis, voilà, c'était drôle mais. Oh là là. Alors qu'elle s'était retournée, ouais. J'avais des tables dans les mains et tout, mais elle s'en foutait, elle voyait pas, enfin, c'était drôle. On rappelle que Bastien a 18 ans. Non j'avoue c'est drôle. Même à la VS qui est dans ma classe, qui était dans sa classe l'année dernière, ça lui a plu. Ces blagues, ben ça lui avait beaucoup. Alors Nojiam qui dit coucou, je suis désolé, je dois partir, je regarde un autre live et je parle à une amie, donc voilà, à bientôt. Bon ben, oulala, on voit qu'il y a des préférences. Grave, ça trahit les vrais, voilà. C'est pas bien, Bastien, il met plein de fumée. Eh ben il a pas assuré, non, il a pas du tout assuré même. Mais si, elle a dit. Ah oui, il a pas assuré, oui. Mais oui, j'ai cru qu'elle a dit, il a assuré. Donc. Bah bravo, Esther, on voit que tu lis bien. Oui, je suis un peu dyslexique. Non, juste un petit peu. Non, rigole. Non, mais voilà, bon, sinon, notre année, c'était plutôt bien passé. Oui. Hein. Voilà. Bon, on va passer au top 5. Attends, est-ce qu'on ferait pas un petit point sur les sondages avant? Ok, d'accord. Pourquoi pas? Bah, du coup, faut que je trouve la page. On fait pas en fin d'émission? Non, mais on fait un petit point tout au long de l'émission. Allez, on est en direct, on a le temps, on a 2 d'ailleurs, heures. D'ailleurs, il faudrait que j'aille. Si on finit en retard ou en avance, c'est pas grave. Ah, faut que t'a. Bah oui, va voter. Je le ferai. Moi aussi, j'ai pas voté d'ailleurs. La prochaine musique en entière. J'ai pas voté d'ailleurs. La prochaine musique qui est le top combien? Qui est le top 5. Voilà, et on dit pas encore qui c'est. Oui, est-ce que c'est. Suspense. Est-ce que dis les 5 qu'on va écouter. Les 5 prochains. Genre tout le top 5, tu dis, mais pas dans l'ordre. Comme oui, alors il y aura, Désaccordé de Vald, oui, Bob Marley de Dadju et Aya Nakamura, Dja. Et aura... on dit pas quelle est la même. Maître Gims, c'est Vianney la même, et Mafiosa de l'artiste. Mais où ça? Ah oui, d'accord, je suis pas allé assez en bas. Alors, petit point sur les sondages. En quelle année on retourne dimanche? Vous voulez une spéciale pour l'instant 2014, dimanche prochain. Est-ce que vous allez prendre de bonnes résolutions pour l'année 2019? Oui, êtes 60% à dire oui. Bah ça c'est bien. Ouais. Et on en parlera. Je crois que ça, on en parle juste après. Ah non, pas du tout. Ah non, ça on en parle même dans très longtemps encore. Bah oui. On n'a pas dit top 5 encore. Et avez-vous passé une bonne année 2018? 50% de oui, 33% oui et non, donc bof. Hein. Et 16% de non. Vous n'hésiterez pas à nous dire pourquoi si vous avez envie. Pour vous faire plaisir, on rappelle qu'on lit tous vos commentaires, évidemment, comme vous avez pu le remarquer depuis le début. Est-ce que ce serait pas l'heure de s'écouter le top 5? Oui, le top 5. C'est qui le top 5? Vas-y Alice. Bob Marley de Dadju. C'est parti. Non, c'est Dadju de Bob Marley. Non. Ah non, mais non. Non, mais non. Désolé, je suis un peu un petit peu bête. Du coup, c'est qui? Bah, c'est bien Bob Marley, du chanteur de Dadju. Voilà. De Bon, Dadju, Bob Marley. Dadju qui est quoi, Bastien? Le frère de Maître Gims. Ce soir, pendant le, parce que vous savez, la famille vient tout ça à Noël. Et à un repas, mon frère, mon père nous a sorti. Ah, vous savez, le Dadju, c'est. Et nous, on l'a coupé. On lui a dit, ouais, c'est le frère de Maître Gims. Et il nous a dit, bah ouais, mais je pensais à vous apprendre un truc, mais du coup, non. Oh, mais bon. Ah merde, bon, je vous entends pas. De... J'ai oublié de vous démuter. Ah, oh, Hugo. Excusez-moi, je contrôle pas tout. Voilà, bah c'est bon, vous l'entendez. Du coup, je vais redire ce que je disais. Ouais. Je disais qu'elle m'a plu. Enfin, genre, elle m'a saoulé un peu la chanson dans l'année. Mais la ça fait du bien de la réécouter. Ça fait du bien, exactement. Voilà. Ça fait du bien. On passe à quoi, Esther, maintenant? On passe au karaoké. Non. Si. Non. Si, si. L'actu. Et oui. Ah oui. Là. Ah oui, mais en fait, ah ouais. Oui, en plus, mais je vois bête en fait. Il y a un gros fluo en plus là. Ah devant. Mais je comprends pas. Moi, tu sais dans ta tête ah comment là, tu là, fais c'est les dans programmes. Ta tête. On passe à l'actu 2018 et il y avait pas. T'as pas noté grand chose parce que c'est. Je préfère prévenir. C'est Esther qui l'a préparé. Oui, alors je l'ai préparé aujourd'hui chez Alice. Donc voilà, bref. Ah d'accord. J'étais même pas au courant. Je lui ai envoyé les trucs. Alors le 15 juillet, il y a eu la Coupe du Monde, cette fameuse. Ouais. Et bah on a gagné. On a eu notre deuxième étoile et ça fait du bien. Ça fait plaisir. Et bah voilà. Du j'avoue, coup, c'était sympa. Ouais. C'est bon, du coup, bah, est née la chanson Ramener la Coupe à la Maison. Ouais. On a écouté de tout là à le qui grand était tube. Top 6. Voilà. De top la 6. Plus streamée sur Deezer cette année. Ouais, moi j'ai trop aimé, genre je regarde pas forcément le foot, mais genre je regarde quand il y a l'Euro ou la Coupe du Monde des fois. Ouais, voilà, moi et je regarde quand il y a des trucs spéciaux. Ouais, l'ambiance ouais, voilà. Cool. Sinon les matchs ligue, je sais pas quoi, ouais, moi, non, mais je comprends rien, rien à foutre. C'est ça. Voilà, je quoi. Regarde que quand c'est des gros événements. Ouais, exactement. Le reste, je m'en fous, mais pourquoi totalement. Oui. Ensuite, le 27 juillet, il y a eu l'éclipse lunaire. Donc moi j'étais. Attends, j'étais où déjà? J'étais en Sardaigne. J'étais en Sardaigne. Et du coup, bah, comme j'étais. Parce que plus t'étais au sud de la France, plus tu le voyais. Et moi, comme j'étais bah, sous la France, ouais. Je la voyais vraiment très bien. Du coup, c'était trop cool. Ouais, c'était beau. Et bah ouais, ça a duré, je sais pas, une heure et demie ou deux heures peut-être. C'était long, mais c'était cool. Tu l'as vu toi ou pas, Hugo? Non, je savais même pas qu'il y en avait. Moi, j'ai pas réussi à la voir. Que, attends. Et non, bah non, on était pas là le 27 juillet, on était aux États-Unis. Aux États-Unis. Ah oui, non, c'était que en France. Et oui, enfin, genre coup, bah, non, en Europe. Bah, non, j'ai genre. Pas vu. Ah bon, mais oui, c'est bon. Je m'en souviens. D'ailleurs, avant de passer à novembre, décembre, en septembre, il y a eu quoi comme événement? La rentrée. Non, non, je rigole, il y a eu rentrée. Le début bah, de Vas-y Radio. Yes. Oui. Et aujourd'hui, à la fin. Non, je déconne. Non. Quand même, non, c'est la fin. On revient l'année prochaine. Ouais. Ouais. C'est-à-dire dans dimanche une semaine. Dimanche prochain, oui, voilà. On c'est est la petite blague que tout le monde fait au début. Ouais, ouais. L'année prochaine. Oui. Bah ouais, bah c'est logique. Bah c'est qu'il me fait un petit lol. Mais d'ailleurs, bah ce sera une émission spéciale de l'année que vous allez choisir entre 2011 et 2014. Donc n'oubliez pas de voter dans le petit i. Même pas besoin d'avoir de compte YouTube, je crois, pour voter. Ah bah ouais. Donc, genre, je te donne le lien. Plaisir. Voilà. Je donnerai le lien en plus rapide. Novembre. Ah, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bon bah faut faire une dédicace à Céline qui est à Marignane. Dédicace à Céline. Qui nous écoute. On adore. Vous pouvez envoyer vos petites dédicaces hein, par SMS voilà. Au 612. Non je déconne. On n'a pas de SMS. C'est voilà. La dèche. Et ensuite. En novembre décembre. Attends faut mettre la musique de fond quand même. Cette musique ah, c'est, oui, c'est trop le sens de musique. C'est débile mais c'est très ah, drôle. Oui. Macron démission. Macron démission. Macron démission. C'était quoi, Esther? Il y a eu les gilets jaunes. En novembre, ils sont encore d'actualité. Ouais. Et ils reviennent en janvier. Oh là là. Ils reviennent demain. On en a pas, ils reviennent en force. Ils reviennent demain, je crois. Gilets jaunes. Moi, gilets jaunes. T'es mal les gilets jaunes. T'es mal les gilets jaunes. Faut danser petit. Bref. En vrai, cette musique, elle est super drôle. Ouais. Elle est sympa. Voilà. Voilà. Moi, ouais, mais non, moi, coup, genre, au jaunes, début, ouais. Genre, je l'aimais pas, mais en fait, elle a ambiance grave parce que dans les ouais. Blocus, ça, ouais, ça a tourné un peu cette musique. On la mettait au sport. Ah ouais? Ouais. C'est le prof, il nous avait sorti une enceinte et tout, du coup, on mettait ça sur le sport. Trop cool. Ouais, on a vraiment que ça à faire. On est des STI, je le rappelle. Et nous, STMG et LES. On va voilà vous laisser quoi. Un petit extrait. Je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune. Gilet jaune. Gilet jaune. Avant de faire le karaoké, je vais vous demander de combler un petit peu parce que je vais moucher. Oui, ouais, on voilà. Va de vie, hein, mais donc, bref, bon, alors il y a eu des événements en ouais, début 2018 eu... avant le 15 juillet, mais t'as des idées toi? Moi, je réfléchis, mais. Parce qu'en fait, moi, j'en ai pas trouvé d'intéressant, genre. Ouais. Voilà quoi. Non, il y a eu rien au niveau politique ou quoi. Non, ni rien. Moi, j'entends Hugo qui se mouche depuis tout à l'heure, mais c'est trop drôle. Il y a ouais, du monde quoi, Hugo, pour le coup. Non, ils t'entendent pas. Niveau sport, il n'y a rien eu non plus de... Bah non, ouais, genre, en fait, il s'est rien passé en début 2018, on me disait. Ouais. Mais c'est parce que t'as pas assez bien cherché. Si, j'ai regardé, il n'y avait rien d'intéressant. Mais du coup, c'était la deuxième étoile au foot, parce que si elle a mis ça, c'est qu'on n'avait pas dit que c'était au foot, la deuxième étoile. Ouais, mais elle a dit avec un smiley qui rigole, et c'est très bien que c'est au foot. Oui, mais faut quand même préciser, il y a peut-être des gens qui vivent dans des grottes ici. Oui. Enfin, s'ils vivent vraiment dans des grottes, ils nous connaîtraient pas. Donc, oui, c'est sûr. Ils nous écouteraient pas maintenant. Ouais. Ah, je crois que ça va être le moment de notre... Karaoké. Elle a hâte, hein, Alice, je suis sûr. Ils vont chanter quoi? Ils vont chanter. Alors, on va chanter Sous le vent. Oui, j'ai choisi de Garou et Céline Dion. Voilà. La grande... Ah oui, Céline Dion. Alors, attendez, on m'entend double, là. Il y a Céline Dion que m'a fait Esther il y a 2 semaines. Pour la spéciale Noël, le replay forcément c'est à voir, enfin écouter surtout, à voir c'est un peu compliqué, c'est à écouter sur Spotify et Google Podcast et les photos de nos cadeaux qu'on s'était fait sont à retrouver sur Twitwi et Insta qui sont affichés à l'écran. C'est parti Alice. Allez c'est parti. On y go. Céline Dion, Garou, Sous le vent, on va chanter très faux. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est le but de s'amuser parce que c'est la spéciale jour de l'an. Et si tu crois que c'est... J'ai eu peur. C'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et... C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivie un instant. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Sous le vent. Il ne faut pas oublier de noter notre prestation sur 10. Sébastien qui nous applaudit derrière, qu'il est sympa ce gosse. Oui, attends. Elle me gueule dessus, je peux avoir le micro. Et oh, on se calme, hein. C'est moi le maître de cérémonie ici. Le maître du jeu. Merci. Notez alors, notre prestation j'ai adoré, sur 10. Genre vraiment, il y avait du feeling. Merci dans Esther, l'air. Y avait, voilà. Voilà, tu nous mettrais combien sur 10, Esther? Je vous mettrais un 8. Un bon parce 8. Qu'il n'y avait pas assez d'énergie, mais voilà, ça me moins. Il n'y avait pas assez d'énergie. Et quand même, je veux des. J'ai sorti la grande voix. Genre comme ça. Oui, d'accord. Tu voulais qu'on chante vraiment faux, en fait. Ouais, exactement. D'accord, totalement. Elle est partie dans un délire. On va la laisser de côté. Je pense que je finirai qu'avec Alice. Super. On passe à quoi maintenant? Attention. Alors, qu'avez-vous prévu pour le demain soir? Jour de l'an, voilà. Yes, demain soir, c'est le jour de l'an. Le 31. Ah, pff, Bastien, il a envie de participer parce qu'à la base, on ne devait pas faire l'émission avec mais lui. Bastien, mais Bastien, tu vas encore aller en parti. Boîte comme tous les week-ends. Non. Ah non. Ah non. Ah non, on vous le racontera après. Dites-nous d'accord. dans le chat. Merci pour le 10 sur 10. Comme à l'école des fans. Merci, comme à l'école. Merci, M. Blagapa. Ou je sais pas comment... Monsieur Blagapapa. Ah, d'accord, monsieur. Oui, donc n'oubliez pas de noter sur 10 notre prestation. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez prévu pour le jour de l'an? On commence par Alice. Alors, moi, j'ai pas trop de plans vraiment hyper détaillés, enfin précis. Donc, je crois que c'est chez une copine, mais c'est même pas sûr à Aiguille, entre amis, quoi. Enfin, voilà. Bon, en fait, t'as 31. Deux soirées en disposition et tu choisis une des deux. Oui, mais je pense que je vais faire avec Gare, avec mes amis. Quoi. Et toi, Esther, tu fais quoi? Eh ben, très bonne question, parce que je le fais avec mes parents. Ah, parce tu le que... fais avec tes parents? Oui, parce que bon, ma mère, elle ne veut pas que sa petite fille parte loin. Ah, mais après, voilà. C'est pas très loin, non? T'as pas une soirée à Aiguille? Bah, ouais. Si, il y a des soirées à Aiguille, mais je ne peux pas y aller. Voilà, ah, mince, c'est pas grave. Je suis dégoûtée parce que j'aimerais trop faire le Sandrine, jour de l'an. Sandrine, ça va pas le faire là. À 16 ans, au moment. Comment ça, on refuse des soirées? Les soirées, c'est la vie, c'est plus important même que les cours. Que, oui, je suis d'accord. Parce oui. que pas de soirée est égal. Voilà, attendez, Bastien va vous le confirmer aussi. Je confirme, les soirées c'est plus important que les cours. Voilà, on est quatre à vous le dire, voilà. Les soirées c'est plus important. Parce on est... que mais d'ailleurs, sans soirée, pas de bonheur. Bah, avec cette exactement. Phrase, on en est où dans notre scolarité? En échec scolaire, voilà. Non, moi non. Non, non. Moi non, ça va. Bon, mais, alors Hugo, toi tu fais quoi? On est pas là pour parler de la scolarité, on est au milieu des vacances. Excuse-moi. Oh, détente. Moi je vais chez un c'est pote à Bastien. On va faire une soirée, on va tout détruire dans la maison. Non, quand même pas. Mais on va tout. On va mettre de l'ambiance et tout, genre ça va être. Grosse ambiance. S'énerver. Il y aura des feux d'artifice, des confettis. On adore. Ce sera génial. Et tu le fais avec qui en fait? C'est avec lui, ah oui, là derrière c'est... moi. D'accord. Donc, chez un pote à mon frère, oui, parce que je m'incruste dans les soirées maintenant. Aux gens quand que je raison, ne connais pas. Hein. Non, je rigole, si je les connais quand même. Voilà, mais ça va être sympa. D'accord, d'accord. Faut laisser la petite profiter, ah. Sandrine. Ah, même voilà. Si le père Hugo il le dit, c'est que voilà. Voilà. Bon. Faut profiter on de ça. On en discutera life. À la maison. Ça fait peur cette phrase. Tu vas sortir, Esther, ne t'inquiète pas. J'espère. Qu'est-ce bref. Que vous allez faire au jour de l'an demain? En vrai, et c'est vous allez préparer un truc ou quoi? Parce que je sais de pas, genre votre tenue ou je sais pas. Ah quoi. Non, ah, moi non. Pas du tout, j'ai rien du tout. Je sais trop, j'arrive. Genre en moi j'arrive jean, en ouais, j'arriverai peut-être en jogging. Enfin si je, si ma mère aime bien que je vienne. Non, peut-être mais pas non. En jogging. Non, après si je le fais avec mes parents et tout, je sais pas si on va manger, mais en général je me maquille en bombée tout quoi. Moi je crois, voilà, je crois que je l'ai fait une seule fois avec mes parents. Bastien. Moi je l'ai fait jusqu'en 4e. Non, on l'a fait plusieurs fois. Ah. Quand vous chez étiez un pote à moi aussi, quoi. Chez les parents. C'était ouais. Chez Maxime, on l'a fait au moins deux fois, je pense. Ah oui, non, mais je voulais dire, moi chez nous, ici, à la maison, tranquillou. Genre quand on ah si, on l'a fait plusieurs fois aussi, je crois. Une fois, on avait de la famille avec des amis et tout. Mais enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais on l'a fait plusieurs fois. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on ouais, va ouais. dire. Mais en vrai, ça va être une bonne soirée. Ouais. Bah ouais, le 31, faut fêter à minuit, là, tout le monde se. Ouais. Ouais. Déjà, en plus, quoi. L'année dernière. Moi, à minuit, il n'y avait pas du tout eu d'ambiance parce que 20 minutes avant, il y avait quelqu'un, il avait défoncé une baie vitrée. C'est vrai oh, quoi Lucas. Mais tu l'as fait où Lucas qui Bah, je vais pas dire. Ah oui, moi. C'était chez Arthur. Ah, Lucas d'accord. l'araignée ou pas Oui. Oh là là. Ah oui, d'accord, je vois ah très là bien là, le. Il avait défoncé une baie vitrée, du coup, il y avait absolument pas d'ambiance à minuit. On tu était m'étonnes. Tous là à faire le décompte, oh ouais. My God. Et après, il y avait personne qui parlait quasiment. Il y a quelqu'un, il a dit, vous pouvez faire genre il y a de l'ambiance pour un snap. Et du coup, tu mets voilà. genre juste histoire 10 secondes, ah ouais, ouais non, mais c'est la fête. Genre le snap, après... il a duré 10 secondes, on était ouais et tout. Et à la fin du snap, plus personne ne reparlait. C'est trop nul. Mais le père de chez qui on était a quand même été sympa. Il a dit ouais, continue la soirée et tout. Je voilà, sais pas pourquoi. Gentil. Moi, je me serais ouais, fait gentil. Complètement défoncer. Bah, c'est clair. Ah ouais, mais moi aussi. Dit, après, il faut choisir les bonnes personnes avec qui tu fais le nouvel an. Et après, ça s'est bien passé. Ouais, voilà, c'est ça. Ça dure combien de temps? Notre émission, ça dure jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h et Beachy Beauty. C'est écrit sur le logo. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais pour le jour de l'an, Beachy Beauty? Beachy Beauty. Beauty Beauty. Ouh là là, alerte, alerte, attendez. Alerte. Alerte, alerte, alerte, alerte. Attends, faut mettre une musique alerte. Ah, un peu. Alors, nous venons de recevoir un coup de téléphone à la maison. Et cette personne n'est autre que mon grand-père. Donc, il vous remercie pour... l'anniversaire. Ça fait 20 minutes qu'on l'a dit. Non, il remercie et il demande à Hugo et Alice, qui sont les derniers à avoir chanté, si vous avez passé le casting pour The Voice. Parce qu'il m'a dit que c'était catastrophique. Donc voilà, c'était une grosse alerte. Voilà. Ah bon, bah. Mais c'est gentil quand même, il vous aime bien quand même. Ne vous inquiétez pas. Ça va. C'est très sympa. Bah, The Voice, on n'y a pas encore pensé. Mais on pourrait y songer, Hugo, hein, franchement. Ouais. Non, la France, c'est un incroyable talent. Les gens qui chantent mal, ils se retrouvent toujours là-bas. Ouais, c'est vrai, de ouf. Donc, go essayer. Hein. Ce sera marrant. Mais t'inquiète pas, papy, on te rappelle après. voilà, bah oui, bah, c'était grosse info. Putain, et on a des alertes info qui tombent comme ça. Merci, Bastien. De rien. C'est qu'il est sympa ce petit bastinounet. Je vais lui donner des yeux. Bon, bref, donc, d'ailleurs, on en oublie le top 4. C'est après, c'est dans le top 4. Oui, non, mais on n'est pas obligé de tenir compte de. On est détente, écoutez. Faut qu'on. Zen, soyons zen. Vous connaissez cette chanson? Zen, soyons zen. Ta-la-la-la-ta. C'est Zazie, ça, non? Ouais, attends, je crois que je l'ai quelque part. Attendez, j'ai vraiment envie de la chercher. Mais là, Hugo, comme ça, on se met vraiment dans le thème. Allez, de toute façon, je vous ai dit, on va faire mais comme ça. Mais je la connais pas, cette chanson. Tu la connais pas? Non. Voilà, Hugo. Yes. Attends, faut qu'elle s'avance parce que je peux pas l'avancer. Si, tu vas savoir. Ça va faire zen, soyons zen. Tu connais Esther. Bon, les paroles par contre, elles sont vraiment pourraves. Ouais, mais ça, c'est Zazie. Hein. J'adore les réflexions, ouais, mais ça, c'est Zazie. J'avoue. C'est acheter pas un hôtel rue de la paix. De quoi acheter un. À un moment, elle a fait une musique où c'est acheter un hôtel rue de la paix. C'est pas fou, elle jouait Monopoly et elle s'est dit, je vais écrire des paroles. Exactement. Ça va être là. C'est toujours pas là. Attention, dans quelques secondes. Même si je n'en suis pas. Elle est un peu longue, Zazie, quand même. Je connais pas ça. Non. Mais en fait, moi, je confonds Zao, Zazie et Zaz. Genre, il y en a trop. Ah oui, d'accord. Genre, Zazie, je vois pas à quoi elle ressemble. Zazie, elle est grande et fine, aux cheveux longs. Ben, je confonds avec Zao. Zao, c'est un mec. Non. Ah bon? Mais non. Ah bah, je confonds avec un autre. Celle qui chante. Ah oui, Zao. Oui, mais oui. Ah oui, mais je confonds avec quelqu'un d'autre, moi encore. Oh là là, on est mal barré. Vous voyez que j'ai. Attends, mais je confonds avec qui déjà? C'est quand même mieux que Yakanak. Yaka Kakamura, il a dit. Ah, mais est-ce qu'elle est en 3ème, en 4ème, en 2ème ou en 1er? C'est pas gentil, moi j'aime trop Yaka Kakamura. Non, mais Aya Nakamura, c'est bien. Arrête de dire c'est nul, t'aimes bien maintenant, tu danses dessus. Déjà, qui sera en quelle position? On ne sait pas encore, non, on découvrira faut pas tout à l'heure. On tease pas. Si on tease un petit peu, faut toujours un petit peu teaser. Voilà. Oui. Du coup, est-ce qu'il serait pas temps de passer au top 4? Allez, top 4. Passer au top 4. Esther, qui est laquelle? Qui est. Tu voulais l'annoncer tout à l'heure. Donc désaccordée de Vald. Numéro 4, elle a été la plus écoutée, enfin une des plus écoutées. Sur Deezer en France cette année, Désaccordé Vald, on se retrouve juste après pour nos coups de cœur musique de 2018. Oui, d'ailleurs, attends, on peut en parler un peu de Désaccordé. Ah oui, bah vas-y. Bah, ou alors t'en parleras juste après. Ouais, après. Ok, d'accord. Allez, on en parle juste allez, après. Bonne écoute. Désaccordé Vald, j'allais dire live alors que. Bah non. C'est pas pourquoi. Vald, on se retrouve juste après pour nos coups de cœur musique 2018. N'hésitez pas à nous les dire dans le chat. C'est vrai que Vald, c'est pas super. Ah oui. Oui, faut peut-être que je réouvre mon micro. Voilà. Oh là c'est là bon. Là. C'était Vald désaccordé. Alors, c'est vraiment Sandrine de pire qui dit pire, que c'est vulgaire. Vous le sortez d'où celui-là? Mais en fait, ça a été le buzz. Moi, ça me rappelle vraiment la seconde. Genre, on l'a écouté en seconde. Genre, L'année dernière, en 2018. Ouais. Et merci d'être là, Kelly. Merci. Yes. Mon coup de cœur 2018. Ah, on les lira après les vôtres. N'hésitez pas à nous les dire, votre coup de cœur musical. Même si vous en avez plusieurs, dites-les nous tous. On peut les lire maintenant. Attends, on va passer au nôtre avant. Oh, quoique, comme tu veux. On les a déjà fait. Ah non, les a... Mais non, on l'a pas fait. Non, là. Mais tu voulais pas parler de base de toi. Tu voulais qu'on dise lequel. Ah oui, bah non, mais je voulais juste dire que ça me rappelle la seconde et que voilà. Et ma mère, quand je l'avais écoutée, elle était choquée des paroles parce qu'il disait je te laisse la chatte en confiture. Donc voilà. Moi, mon coup de cœur de 2018, c'est Thank You Next d'Ariana Grande. Et bah, Miss Pikachu, il s'avère qu'on a le même coup de cœur. Yes. Je tease. Coup de cœur juste après. C'est qui Miss Pikachu? Coup de cœur de NF aussi. De qui? NF. Ah oui, Nasser. C'est Sicko Mode de Travis Scott. Alors, Nasser adore Travis Scott. Voilà. Je vois pas ce que c'est, mais. Moi, mais j'ai déjà entendu ce genre de nom, je vois pas. Ah, yes. Je regarderai après. Ou pire, mettez-le moi sur votre téléphone, s'il vous plaît. En vas-y, je la mets. En deux spies, ça craint. Oh, il est toujours ça là, va, Nasser y a pire. Hein. Ouais, normalement, oui. Couture Mobamba Check. Ouais, c'est... putain, mais je suis paumé. Ouais, moi je connais pas. Mais en fait, Nasser il a des goûts genre spéciaux, mais il aime trop ses goûts. Bah, écoute, mais en fait, on a un peu les mêmes goûts avec Nasser. Mais merde, pourquoi attends, tu dis t'as des goûts trop spéciaux. Dans la barre de recherche, je tape Nasser parce que du coup j'ai dit Nasser. Non, attends. Bon, attends, voilà. A... Travis Scott. J'ai alors... une bras cassée avec moi tous les dimanches soir, c'est un plaisir. C'est non, pas grave. Attends, mais tu me caches comment ah, oui, ça s'appelle déjà. Si commode, vas-y, attends. Moi je cherchais beaucoup de cœur. Genre je la mets dans mon micro comme ça. Bah attends, donne. Attends, mais non, attends. Pourquoi? Mais il y a une musique déjà en fond. Ah merde. Oh là là, pourquoi je fais des émissions? Tu vas enlever, c'est bon. Alors c'est attends, bon. Je vous mets un peu. La qualité va être dégueulasse, mais. Sicomode qui est le coup de cœur de Nasser. Avance-le un peu, non? Ouais, bah avance-le. Nasser, c'est NF. Attends. Ça ne pas longtemps. Non. Mais... mais c'est un rappeur USA. Ouais, je connais pas. Moi, je connais. Bon, non, parce que moi, j'aime trop les rap rappeurs américains. Général, genre, moi et Nasser, on aime trop les rappeurs américains. Et Nasser, c'est quelqu'un de ma classe, maman. Voilà. Non, mais je pense que c'est demandé dans le chat. Ça s'écrit N-A-S-S-E-R, mais c'est pas grave. Nasser a quelque chose. Personne n'écrit bien Nasser en fait. Bon, voilà, après c'était Sicko Mode de Astro Boy, j'avais dit non, de Travis Scott. Voilà. On écoute le coup de cœur à qui là enfin, Alors, bah, vas-y, honneur au garçon pour une fois, Hugo. Ouais, tu allez. Vas faire ton coup c'est de cœur. C'est mignon. Oh, oh. Oh. Moi, c'était. J'en ai deux. J'en vas-y, mets deux, les deux. Genre, c'était. Enfin, ceux-là, ils étaient tarpins bien. Genre, c'est X de ouais, Nicky elle, Jam elle est et vraiment J Balvin, cool. Celle-là. Elle était bien. On l'a entendu tout l'été, celle-là aussi. Je l'aime trop, mais genre, elle ambiance trop. Mais en plus, il y a des remixes en plus de celle-là. Ouais, ouais mais genre, moi, dès que j'écoute des musiques latines, je me mets à bouger directement. Genre, j'aime trop. Bah, bouge alors là. En vrai, cette musique, elle est grave cool. Ouais, genre, elle est trop apaisante et tout. Enfin, j'aime trop. Ensuite, c'était quoi ton deuxième coup de cœur, Hugo? Attends, on va faire un sur deux un peu. On va passer ah, au d'accord. Tien là. Ouais, d'accord. On est comme ça. Oui, t'es comme ça. Écoutez, on est détente. Alors, moi, mon premier coup de cœur de l'année, c'était I Like It de Cardi B. Ah, celle-là, elle est bien aussi. On l'a écouté, hein, mais genre, c'est sorti en mars et genre, j'ai tellement aimé cette chanson. Depuis ouais. le début, j'attends, je peux parler un ouais. peu avant. Depuis, genre, bah, comme Cardi B, genre, je l'aime trop, genre, de son album et tout, j'ai trop aimé Invasion of Privacy. Et I Like It, genre, elle m'a tellement ambiancé et tout. Ouais, et non, tout l'été, sûr. On l'a entendu, j'ai trop kiffé, donc vas-y. I like shining, I like million dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. En vrai, elle est grave cool, cette musique. Ah oui, ouais. Il y a des bases dessus, c'est génial. Oui, oui, ça c'est un premier. Ça met de l'ambiance. Donc voilà. Tu la mettras au jour de l'an le demain? Mais si je fais si avec mes parents, ça sert à rien. Oui, non, mais, oui, mais c'est en soirée. Ou sûrement, ouais. Yes. On verra. Okay, on va passer au coup de cœur de Annie. Olé. Alors, moi, c'est un coup de cœur qui dure de pas. Enfin, je l'ai connu il y a pas longtemps. C'est Pookie d'Ayana Kanamura. De Yaka Kakamura. Enfin, ça dure de 2 mois. Moi, je l'ai connu un peu avant. Genre, bah, moi, c'est ma préférée de l'album. Donc, ouais. On est d'accord. Elle ambiance vraiment beaucoup. Ouais. Ouais. Ouais, je sens ta sème, j'ai l'avocat. C'est bon, j'ai les deux qui se mettent à chanter là en même temps. J'adore. Les deux, elles sont à fond. Donc c'est un peu votre coup de cœur à vous deux aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le coup de cœur de l'album. En fait, genre, je voulais pas. Ouais, non, mais Ayana Kamura, ma vie. Donc son album, j'ai trop aimé. De toute façon, toi, t'en as 500 milliers coups de cœur, Esther. Ouais, j'aime trop les musiques. Ouais, non, moi aussi. Trop, trop les musiques. Ah, les vieux, ils ont même pas de coup de cœur. Même si c'est. Je suis méchant. C'est vrai, vous avez pas de coup de cœur, les vieux. Bref. Mais ils écoutaient RFM. En fait, ils écoutent pas, ouais. Ils écoutent pas la musique de 2018. Même sur RFM, y a rien qui passe, je suis sûr, y a un petit David. Mais ma mère, elle a bien aimé Big Flo et Uli. Oui, ma mère aussi, je crois. Attends, c'est quoi Avant Demain qui est sorti? Plus tard. Ah non, celle d'Avant Demain. Ouais. Là, qu'on a gravé. Qu'ils étaient dans le bus, là. Oui, le clip. C'est dommage. Moi, ma mère, elle l'aime bien. Elle a trop aimé ma mère et ma soeur. Donc, je pense que ça doit être ça. Ma mère, elle a bien aimé. Elle aime bien celle qui passe en ce moment, Plus tard. Plus tard, je sais pas si c'est quoi. Elle est sympa, elle est bien. Demain, plus tard, enfin c'est bon quoi. Genre faites le présent. Il est un peu dans le temps, le mec. C'était quoi l'autre? Non, oui, bah oui, c'est ça, demain, plus tard, ouais, demain. Dommage, ah bah tu vois, ah bah voilà. T'avais raison, bravo. On t'applaudit, il n'y a pas de public, je suis seul à applaudir. En plus, on m'a demandé est-ce qu'on voulait faire. Mon père tout à l'heure m'a dit il n'y a pas de public qui vient, bah trouve-le-moi le public. De ouf. Allez, Alors ton deuxième coup de cœur, Hugo, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai, j'ai un deuxième coup de cœur. Eh oui. C'était DJ Snake, Magenta Redeem, elle était tellement bien celle-là. Est-ce qu'on l'écoute en entière? Ouais, allez, j'ai allez. Trop envie. Bah, allez, franchement, on l'écoute en une improvisation, on l'écoute, ouais, on l'écoute en entière. Et juste après, il y aura mon deuxième coup de cœur. Yes, Magenta Redeem, DJ Snake, c'est mon coup de cœur de 2018. On l'écoute en entière parce qu'on a envie de se faire un petit kiff. A tout de suite. Ah, elle est grave cool cette musique. Ah oui, ouais, l'ambiance est trop bien. Voilà. Beaucoup trop d'ambiance. Bah du coup, il restait mon deuxième coup de cœur, mais j'ai pas compris. Un petit coup de gueule d'Esther, celle-ci. Non, un petit coup de gueule Esther, celle-ci. Non, attends, je n'arrive pas. Un petit coup de gueule. Non, de gueule, de gueule. Ah oui, de bah gueule. Oui. Je pensais qu'elle avait mal écrit. C'est quoi Niol? J'ai rien compris. Là, le commentaire, je l'ai lu 6 fois, je comprends rien. C'est bref. On ne comprend pas, Sandrine. On te rappelle que nous sommes des débiles. Voilà. Exactement. Tout simplement. Alors, mon deuxième coup de cœur. Bon, on s'attend quand même, voilà. L'artiste. L'artiste. C'est très bien qui c'est. C'est Ariana. Elle a sa petite minute toutes les semaines. Pas là, parce que c'est une spéciale jour de l'an, mais toutes les semaines, elle a sa petite minute. Oui, pour Ariana. Cette chanteuse. C'est évidemment Ariana Grande, attention. Thank c'est... you, next. On va pas l'écouter en entière. Oh, le triste. Bah, alors, je vais. Bah, pendant que le refrain et tout, je vais parler. Alors, elle est restée 50 jours numéro 1 dans le Billboard Hot 200 ou 100, je sais plus, mais en tout cas, dans le top d'Amérique. Et c'est son premier single à atterrir en numéro 1. Et c'est le premier single d'une femme qui est restée 50 jours en numéro 1. Donc c'est un peu une queen quoi, donc je suis un peu voilà quoi. J'avoue. Et oui, ah oui. Le coup de cœur de ma mère, c'est la chanson que j'aime pas, le groupe de Ringard, 3 cafés gourmands. Oh, et je déteste c'est la pire chanson je du monde. Je déteste cette chanson. Tu vois c'est quoi ou pas? Genre ça fait la pala papa, la pala papa. Horrible cette chanson. Oui, moi aussi. Elle j'en est... peux plus là, mais j'ai vraiment c'est mis tous hyper... les butins voilà, par un. Le groupe de Ringard, je le trouve ringard. C'est ouais. Comment énergie mais... ils ont pété un plomb de passer ça à la radio. Ils, ont... ah ouais. Ils le passent toujours en plus, mais c'est oui. Ça qui. Je supporte plus cette musique, vraiment, je dors oui. Plus la nuit à cause d'eux. J'en peux plus. Attends, est-ce que c'est le oui, refrain vas-y. Là ah non, on l'a raté. Toujours, on l'a raté. On l'a raté, il était genre il y a 2 secondes. Et c'est à cause de 3 cafés oui. Gourmands là. Ouais, ils sont toujours arrivés, là. Faire ah, bah, notre terre, je sais pas quoi là. Zen. Attends, vas-y. Ah, bientôt, and attention. So attention, c'est là, je crois. Non, presque bientôt. Non, presque bientôt. Qu'est-ce que non, presque bientôt. On voit que sans alcool, cœur, Esther n'a pas besoin d'alcool pour être bourrée. Ah non, mais moi, je sans alcool, je danse très bien, quoi. C'est pas le mien de cœur, c'est celui d'Esther. Ah, attention. Ça va être là. Ça c'est le vrai coup de cœur voilà. D'Esther parce que 3 cafés gourmands on peut plus hein, ah oui, c'est non, j'ai limite envie d'acheter leur disque pour me brûler hein. Non mais vraiment eux j'en ah peux oui plus. Non mais c'est horrible bref c'est voilà qu'est-ce que tu en penses de 3 cafés gourmands toi Alice? Ah non mais je pense comme vous hein, exactement. J'en ai marre voilà il y a personne de notre âge qui aime cette chanson je pense elle ah, était ouais. En train de pleurer dans son coin. Qui? La bah, Esther, Alice elle se disait ah oui oh, non. C'est quoi on n'entend pas beaucoup elle se disait 3 cafés gourmands. Non, mais en vrai, c'était une, c'est une catastrophe. 3, 4, 5, 5. Ah, ouais. D'ailleurs, là. Quoi? Oh, Eh, on va écouter notre pote. Si tu regardes le programme, tu vas savoir. Oui, que ah, c'est... Y a Kaka, Kakamura. Yaka Nakamura. Non, Aya Nakamura. Oh, Yaka Nakamura. Oui, alors on s'écoute, c'est le top, le numéro 3. Que de la, des chansons les plus écoutées. Je pense que on l'a entendu tout l'été. Ouais. Même plus que l'été. On l'a tourné tous par cœur. Et quand elle passe limite... en soirée. Attends, elle commence à limite à nous saouler, mais on l'écoute tout le temps. Oui, quand elle passe en soirée, on est là, on crie, on la chante par cœur à tue-tête. On se met debout sur le bar. Ouais. debout sur la table. Et on fait oh, Dja-Dja. Voilà, et bien, et c'est bien évidemment Dja-Dja. Évidemment, on chante faux. Oui, bah oui. Juste après Dja-Dja, on se retrouve pour les résolutions de l'année. Est-ce que vous en avez. Si vous en avez ou pas, on commence à préparer. Est-ce que vous en avez pris aussi pour 2018 et est-ce que vous les avez tenus? On va faire le petit compte rendu. Ça. Ouais, voilà. Et on se retrouve juste après le top 3 des musiques les plus écoutées en France sur Deezer. C'est Aya Nakamura, Dja-Dja et pas Yaka Nakamura. On était tous en train de chanter. J'espère que vous aussi, même papa, j'espère t'as chanté. non, je l'aime trop Dja-Dja. En vrai, il a pas chanté parce qu'il déteste la musique. Elle ambiance trop. J'avoue. Elle est géniale. On passe à quoi? On passe à vos résolutions. J'allais dire révolution, non. Vos résolutions. Elle allait dire vos résolutions du jour. Non, vos résolutions de l'année 2018 et 2019. Est-ce que vous prenez des résolutions ou pas pour la nouvelle année? On va aller voir le petit sondage. Oui, on va voir le sondage. Il faut que je le retrouve. Je suis perdu. Alice qui s'est cassée de la radio, clairement. Alice, clairement, elle s'en va, elle s'en fout. Elle fait sa petite vie, de toute façon. Non. On ne t'en veut pas, ne t'inquiète pas. On va aller voir vite fait les résultats des petits sondages. Hop, si ça veut bien marcher. En tout cas, on a des petits sondages. Hein. J'ai trouvé un petit truc pour savoir. Ouais. Donc, c'est le top 5. Il y a trop de top ce soir. Hein. Top 5 des résolutions les plus prises chaque année. Bah ouais. En première position, on avec a. Avec 38%. Ouais. Bah c'est perdre du poids. Ouais, bah ça, je pense. Bah c'est moi, c'est ma, ma résolution chaque année. Ouais. Moi, c'est. Et alors dans l'année, donc ça marche pas. Moi, c'est ma résolution de jamais. Faut moi, c'est manger pas McDo. Bon. Et Burger King. Ensuite, là, alors, avec 35%. Se mettre au sport. Yes. Ça, c'est vrai que c'est bon pour la santé. Ah ouais. C'est... Bon, ouais. Alice, elle fait beaucoup du sport. C'est... Vas-y, raconte-nous. Raconte-nous ta petite vie. Non, mais... Elle est en train de ranger son sac et Esther lui dit raconte-nous ta vie. Non, mais je fais de l'athlétisme. On est au café. Hein, voilà, voilà, elle court. Pour la boxe, du coup, on a un peu arrêté. Mais ouais. C'est un peu tombé. Enfin, moi, j'ai toi, t'as arrêté. Oui, oui. Oui. Après, c'est bien, ça. Bah, je peux pas trop faire. Après, c'est moi qui parle, donc bon. Ouais, grave. Alors, 29% positivés. Donc, ça, c'est les gens qui sont keep calm, qui sont plus égale plus. Nous, on est en mode positive attitude tout le temps. Ouais, c'est vrai. Exactement. C'est vrai que c'est bien de positiver et que certains gens, certaines personnes devraient positiver. Oui. J'avoue, le bonheur des uns ne fait pas le bonheur avoir que des du noir autres. Voilà, exactement. Parce que, comme je dis, plus égale plus, si tu répands de la positivité, tu reçois de la positivité. Oh là. Oh là. C'est trop philosophique. Tu fais de la philo déjà ou... Oui, un peu. Ouais, non, mais voilà, c'est vrai, quoi. Alors du coup, vous êtes 71% à prendre des bonnes résolutions chaque année et 28% à ne pas en prendre. Moi, j'en prends pas. Bah après, moi, j'en prends pas parce que je sais déjà que je vais jamais les tenir. Ouais, donc, Bah moi, cette année, ce serait de manger sainement. Moi, d'avoir mon code, ce serait bien. Oula, ah oui, bah, ça c'est sûr qu'on l'a dans l'année. Bah j'espère. Parce que... De quoi là, c'était quoi? Avoir le code. Code. Ah. On passe. Je l'ai déjà. Bisous sur la bouche. T'as dit quoi? Il a dit quoi? Bisous sur la bouche. D'habitude, tu dis bisous sur la fesse droite. Et moi, j'ai senti. Non, mais là, écoute, stop. Excusez-moi. C'est parti. Bref, non, mais moi, ce serait genre. Qu'est-ce qu'il y a, Bastien? Moi, ce serait manger sainement. Manger sainement. Parce que. Arrêter McDo et tout? Ouais, non, genre, en fait, si je fais un cheat meal. Genre une fois par semaine, genre je mange gras une fois par semaine pour me faire plaisir. Mais le reste, je mange bien, genre. Ouais. Genre de la salade. C'est ce que moi, tu fais, ça fait 3 jours qu'on t'a pas vu manger à la maison. Bastien, ça fait 3 jours, il mange pas à la maison. Il a fait tacos, kebab, Burger King, McDo. Il y a le détecteur de fumée qui vient de se déclencher. Est-ce qu'on va l'entendre dans le micro? Non, on l'entend pas, ça va. Enfin, je pense pas qu'on l'entend trop. Bon, désolé. Ouais, alors, on a mis de la fumée aux ambiances, nous. Hein. Le code, c'est pas la résolution d'Esther. Bon, j'avais pas forcément pensé. Non. Mais... Si, c'est ma résolution, en vrai. Il devait pas venir chanter Paga Papa. Si, évidemment, il va venir, ne vous inquiétez pas. Enfin, on ira le chercher. Le pessimiste est du boomer pessimisme. Et boomer l'optimisme et de volonté. Oh là, Bastien, toi qui as fait de la philo, tu Oula, comprends cette phrase. Oula, Esther, mangez sainement, est-ce une blague? Le pessimisme et d'humeur. Pour moi, c'est toujours les mêmes résolutions chaque année. Et c'est quoi vos résolutions, du coup, Sandrine? Bon, j'ai rien compris, j'étais pas bon en philo, donc... Bon, bah, faudra nous expliquer ce... Ah! En plus, c'est mon père qui dit ça, parce que ça m'étonne, parce que je pense qu'il comprend pas la phrase non plus. J'avoue. Esther, manger sainement, est-ce une blague? Oui, c'est vrai ça que je suis. Pas trop elle pas sait ici. Que je suis une dalleuse, ma cousine, donc voilà. Si, on l'entend beaucoup. Ah, bah, on l'entendait, d'accord. Ah mince. Pour moi, c'est toujours les mêmes résolutions chaque année. Bon, ça, au moins, c'est clair. Non, mais nous, moi, non. Moi, c'est quoi les, tes résolutions? J'en prends pas des résolutions. Bah, c'est, est-ce que tu prends des résolutions, toi? Non, il en prend pas. En ouais. même temps, et je sais que je vais pas les tenir, donc du coup, ça sert à régime et sport. Mais ça, c'est vraiment le truc que je fais. Maman, et sans être méchante, tu les tiens pas, tes résolutions. Oh, c'est pas gentil. Non, mais c'est ça fait. Non, mais c'est peut-être un peu pour ça qu'elle dit c'est toujours les mêmes oui, chaque voilà. année. Non, maman, il faut que cette année, tu les tiennes, tes résolutions, et que tu fasses du sport. Pas forcément régime, faut pas que tu te prives. Mais il faut que tu manges ça. Bon, après, c'est vrai qu'on mange pas non plus. Franchement, nous, je vous le dis honnêtement, à la maison, on mange pas des cochonneries. Genre, on mange bien, on mange des légumes et tout, on essaie de manger bien. Donc voilà. Mais le sport, il faut continuer. Ouais, ben, voilà. Moi, on verra de. On verra. Peut-être ouais. dans 80 ans. Si t'es là encore. Peut-être sur jamais. Terre. Ouais, c'est ça. Dans 80 ans, t'auras 96 ans. Donc, ouais, bah oui, bah, comme comment ça. Comment sera-elle lieu bah, comme ça, j'en ferai pas. Ah, bah, non, mais le sport, ouais, on verra. Mais on n'avait pas fini. En top 4. Ah, bah voilà. Bah, c'était on en parlait, une alimentation. Avoir une alimentation plus saine, bah, c'est ouais, moi. Bah, tu fais partie des 28% qui choisissent ça. Ouais. Après, et... est-ce que ces 28% les tiennes? Là, c'est la vraie question. Peut-être. Qui se pose. Et 19% réduire son stress, ça c'est important. Ouais, j'avoue. Vraiment, le stress, genre. Faut faire du yoga. Ouais, oui. Ça, oh non, faire alors faire. Ça c'est le truc, mais ça, moi tu vois, le yoga ça me ferait péter un câble. Ah bon? Ah ouais. Ouais j'en connais qui font du yoga, c'est ils chiant. Adorent, genre. Ouais. Ah, mais non, c'est non, chiant, mais... c'est tout doux, c'est. Ça te relaxe, Hugo. Moi j'ai envie mais de c'est parce que t'es pas, dans, t'es dans, pas dans le mood. T'es pas dans le mood, il faut que tu sois en mode. Je suis dans mon corps, ancré dans la terre, enfin des trucs. C'est des trucs très spirituels le yoga. Ouais, ouais. Ah il non, faudrait que j'essaie non, moi. Le yoga, non, c'est mort. Moi, je fais pas de yoga. Hein. Moi, c'est, je teste pas, même pas tester, même pas. Rien que tester, ça me saoulerait. Ah ouais. Oui, mais ouais. attends. Oui, mais vu comment ta sœur trie, il y a pas tout le monde qui mange bien chez oh, toi. Oh non, mais ma sœur. Mais... Ouais, alors, t'es... elle a 12 ans. Bon, Véronique, je vais clairement t'afficher. Non, je... elle a 12 ans, mais elle mange, elle sait pas manger. Genre, il y a plein de trucs qu'elle aime pas parce qu'elle veut pas les goûter. Elle les regarde visuellement, elle décrète qu'elle les aime pas. Bon, comme quand on faisait quand on avait 6 ans, quoi. Sauf qu'elle en a 12. Mais bon. Ah bah voilà. Ah oui, j'ai une belle salle de. Vas-y. Oui, oui. Vas-y, Alice, parce qu'on n'entend pas beaucoup. Hein. J'ai une belle salle de sport. D'ailleurs, quand Alice est venue faire du tapis de course. Il n'a pas supporté le tapis tant de sportivité qu'il en est tombé en panne. Oui, ça, ah, c'est vrai. Heureusement qu'elle n'a pas terminé sa phrase, il n'a pas supporté. Ouais, parce le que poids. Sinon, on aurait non. pensé autre chose. Oui, moi aussi. Non, mais oui. D'ailleurs, il remarche ou pas, du coup Je sais plus. Ah ouais. Non, mais ça... je crois qu'il marche normalement. Mais c'est parce qu'on s'en servait tellement jamais que dès que quelqu'un est monté dessus, ça y est, j'ai tout fait. Ouais, le truc. Esther mange diversifié. Allez, bah, j'arrête. Ouais, arrête de parler. Esther mange diversifié comparé à des Bérénice. Oui, elle mange que du sucré. Ah ouais, bah, c'est vrai que genre. Elle mange rien, mais genre vraiment. Là, vous lui donnez par exemple genre un truc, un hamburger, elle te trierait des choses dans un hamburger. Non. Si, elle te trie les oignons, les cornichons, des fois les tomates. Les cornichons, je peux comprendre, je les enlève à McDo. Ouais, mais les oignons, elle aime pas, elle trie dans le truc. Ah, c'est trop bon les oignons. En fait, les lardons, moi, les elle oignons, enlève. Ça dépend. Je sais pas pourquoi. Des fois, je les enlève un peu, mais sinon, dans l'hamburger, non, je les laisse. Bérénice, t'as quelque chose à dire pour ta défense? Je te rappelle pendant Bérénice, la raclette, elle plus. Disait je déteste les pommes de terre et à la fin elle en mange. Alors bon, ça s'est passé hier, j'ai mangé raclette parce que hier j'étais chez ma famille. Et Bérénice, donc elle dit qu'elle aime pas les pommes de terre. Bon, elle aime les chips, les frites, les pommes dauphines, etc. Mais elle aime pas les pommes de terre. Donc elle a mangé de la raclette, elle s'est fait une purée et tout. Et elle mangeait avec du fromage. Donc je lui dis, mais t'aimes bien les pommes de terre? Elle me dit, non. Et ça faisait 4 fois qu'elle en reposait des pommes de terre. Bon, voilà. Oh là là. Mais attends, la fois mais où j'ai vu faire raclette chez toi, elle en mangeait aussi, non? Non, elle mangeait pas de pommes de terre. Ah. Elle mangeait le fromage avec du pain. Je me souviens qu'elle nous avait dit qu'elle aimait non, pas, mais je me souviens plus si elle avait mangé des trucs. Le tapis était pas habitué. Non, le... non, mais oui, mais. Heureusement que. Ouais, vraiment. Enfin, faut l'envoyer en Afrique, Bérénice. En Afrique. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup à manger là-bas. Voilà. J'aime pas les oignons et les cornichons. Non, il y a plein de trucs que t'aimes apparemment, pas. Apparemment, il n'y a pas que ça que t'aimes pas. Il y a beaucoup d'autres choses que t'aimes pas aussi. Mais ça, c'est Esther qui nous en parle. Oui. C'est vrai. Alors, bon, là, alors. Ça balance entre frères et sœurs. Non, nous ça va avec Bastien, on mange bien, tout ça. Enfin, on mange bien. Moi, je mange plus mieux que Bastien. Après, Bastien, c'est autre chose. Hein. Non, mais quand tu le vois que toutes les semaines, il y a minimum deux fois à McDo, Burger King, ou kebab, ou tacos, ou je sais plus quoi. Il prend pas un gramme, c'est ça que je comprends pas. Mais j'en ai pris que deux, des pommes de terre. C'est parce que je fais beaucoup de sport. Ouais, t'en fais plus. T'en fais même moins que moi, là, maintenant. Ça s'appelle de l'aligot. Non, mais pommes de terre et fromage, elle dit que c'est de l'aligot qu'elle a mangé et pas des pommes de terre. Mais même, ça a le goût de la pomme de terre. Et même, ça avec de la pomme de terre. Bah oui, c'est genre... Enfin bref, n'importe quoi. On va pas rentrer dans le débat. Allez, c'est voilà. Elle aime bien les frites. Ouais. Voilà, bah elle aime bien la pomme de terre. Bah ouais. Elle aime les frites, elle aime les chips et elle aime les pommes dire, dauphines. Elle aime pas la pomme de terre. Elle peut dire j'aime pas la pomme de terre sous cette forme. Genre moi j'aime pas le dur. Non mais même là elle en a mangé de la pomme de terre. Oh, avec c'est le compliqué. Fromage. Hein, ouais, non, mais surtout que la pomme de terre c'est pas un truc. C'est le meilleur légume. Sérieusement, c'est le seul légume qui a pas le goût des légumes. Genre. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lancer un débat team raclette ou team fondue. Ah oui, ou team tartiflette. Team tartiflette. Moi je suis team tartiflette moi. Mon raclette, je pense. Ouais, ouais. Genre, moi, la tartiflette, j'aime trop. Il prend du poids selon ses potes. C'est bon. Ah, c'est pas gentil. De quoi ? J'avoue. Hein, sa cote qui ressort, on la voit de moins en moins, là. Le petit bustiné. Bref, du coup, toi, t'es quoi ? De quoi ? Oui, alors. Vous êtes team quoi ? Vous avez dit que vous étiez team. Moi, raclette. Moi, tartiflette. Moi, raclette. Ah ouais. Ce tartiflette, j'adore aussi. Moi, j'aime trop. Fondue, j'ai jamais vraiment goûté. Fondue ? Ah ouais ? Non, j'aime trop ça avec du pain. J'aime trop, mais genre je préfère tartiflette avec le reblochon. Maintenant que j'ai dit ça, Sandrine va nous inviter ce soir. Elle va me dire ah, tous fondus à la maison. Tu es bien venu non, mais, à ouais, fondue, la j'ai jamais testé. Des tapis de course. Ah oui, bon, bon il bah d'accord, je viendrai avec plaisir. Hein, essaye devant nos séries. Ah oui, on regardait des business. Med. Oh là là, attention, coup de gueule de Bérénice. La pomme de terre n'est pas un légume, c'est un féculent. Oh là là, mais c'est ma mère, elle vient de lui dire, j'en suis sûre, j'en ai trop l'âme. Ça part en débat en famille. Ça, un, un peu vénère le truc. Non mais ouais, mais sinon oui, pour revenir sur le débat fondue raclette tout ça, ouais la fondue j'ai jamais testé. Ouais. Mais je préfère la raclette. La raclette c'est meilleur avec la petite fromage. Ouais, dites-nous votre team, soit team fondue, soit team raclette. Alors, je pense qu'elle a voulu dire team fondue, pas tram. Sinon ça voudrait rien dire. Mais ouais. Team savoyard. Ah bah ouais. J'ai ah ouais. Testé. Bah, c'est la fondue normale. Genre en fait il y a quoi comme différentes fondues? Je sais pas. Ouais, il y a bourguignonne, c'est avec la viande. Ouais. Et savoyarde c'est les pains dans le fromage. Ah oui, savoyarde c'est trop bon alors. Pas du tout, je suis pas conne, c'est tout. Mais qu'est-ce que je suis en soirée, alors Tom nous dit. Donc je peux pas être présent, trop triste, mais je vais pas se faire un coucou. Oh, ça fait pas plaisir, soucis, Tom. N'oublie pas, le replay sera dispo sur Spotify. C'est un abonné. Et d'ailleurs, Tom, ça me fait plaisir parce que il like presque tous mes tweets et ça me fait plaisir. Ah, donc voilà. Et prendre exemple sur Tom. Oui. Voilà. Alors Kelly, team fondue et tartiflette. Tom, c'est team raclette pour le premier, moi. Ah bah voilà. Ah oui. Mais là, ouais, en vrai, la raclette, c'est... ouais. C'est... Attends, c'est qui a... Du coup, c'est Team Raclette ou Team Fondue qui a gagné? Bah là, il y a Fondue et il y a... Attends. Mais tartiflette, on n'entend pas beaucoup parler. Hein. Bah ouais. Un Fondue, deux bah Fondue. Bah ouais. Deux de tartiflette aussi. Un Raclette. Non, il y a deux Raclettes. Trop compliqué, là. Non, il n'y a qu'une Raclette. Ah, il y a tartiflette. On aurait dû faire un sondage. Ah. Voilà. Bon, il y a deux tartiflettes, Monsieur deux Fondue et une Raclette. Et si on rajoute nous? Ça fait trois Raclettes, trois tartiflettes et deux Fondues. T'as vu, j'ai je calcule hyper vite. Ça, c'est une S. On l'a pas dit. C'est une XS. Bref. Là, bah voilà. Bon, bah, du coup, c'est la raclette et la fondue qui arrivent en premier. Ouais. Voilà. C'est à peu près la même chose, tous. Hein. Enfin, d'ailleurs, on va passer. Et tu prends 14 kilos. Ah oui, ça, du coup, bon, bah, conclusion, on ne prendra pas de résolution. Voilà, cette c'est année. Ça. On passe à l'année 2020, on attend. Voilà. On attendra encore un an pour peut-être reprendre. On verra. Et rendez-vous dans un an pour la nouvelle spéciale Jour de l'an de Svani Radio. On sera plus là du tout. Jour de l'an de Svani Radio. J'étais content. En train de réfléchir ce que disait. Voilà, du coup, bah, dans un an, on refera peut-être Svani Radio pour la spéciale Jour de l'an. Et on reposera la même question, est-ce qu'on peut les mettre des résolutions? La réponse sera toujours non. Est-ce qu'on les respecte? Ben non. Donc voilà. Ouais, les résolutions, en fait, c'est comme si elles n'existaient pas pour moi. Oui. D'ailleurs, on va passer au top 2. Alors là. Yes, le top 2. En fait, c'est pas une musique que j'écoute beaucoup. Hein. Enfin, non, mais elle est beaucoup passée à la radio. Ouais, ça, c'est vrai. Cet été, et attendez, Kelly et Bérénice qui sont dans le chat. Quand on est parti en camping cet été, c'était vraiment la musique du camping. Ils la mettaient, mais tout le temps, tous les soirs, trois fois de suite. Ça doit être. J'en pouvais plus. Mais ils avaient une choré, je crois. Non, ils n'avaient pas une choré, mais ils la mettaient tout le temps. Enfin, bref, voilà. Et c'est donc, le top 2 de ce soir. C'est. Bah vas-y, dis-le. Maître Gims et Vianney, c'est la même. Faut parler bien dans le micro, je crois que t'as pas entendu. C'est Maître Gims et Vianney, c'est la même. Voilà. T'es sûr que c'est ça? Oui. Oui. Allez, Maître go. Gims, Vianney, la même, top 2 du top. Du top. Voilà, top 2 du des top. Non, des chansons, voilà, c'est ça que je voulais dire. Des chansons les plus écoutées sur Deezer en France cette année. Et on se retrouve juste après avec pour le moment que vous attendez tous. Le n'oubliez pas. Le n'oubliez pas les paroles. Attends, je fais comme dans l'émission. Ouais. N'oubliez pas les paroles. On se retrouve pas tout de suite. Ça veut rien dire. Putain, heureusement que t'étais là, Hugo. Oh, on a eu un réflexe, on s'est tous. Mais c'est quoi, en fait? Et on est en direct. On n'avait pas capté, genre. On n'avait pas capté cette fin de la musique, on se disait, ouais, regarde les paroles qu'on a enlevées pour n'oublier pas les paroles et tout. Bon. Ah là là, on a sauté d'un seul coup. Attends, je vais lire le chat. Du coup, elle a pas eu le temps de regarder. Ouais, c'est pas grave. Lis le chat, Esther. Alors, bah, Kelly qui a parlé, elle a dit, donc, elle, c'est raclette. Ah non, oui, non, elle parlait à Bérénice raclette, mais t'aimes. Pas entre guillemets les pommes de terre. Donc c'est Tal ou Maître Gims, bah c'était Maître Gims. Et ouais, il y avait deux chansons. Et Si je vous gêne, bah Va te faire foutre. Bon, c'était mon remix, c'est un peu gênant, mais voilà quoi. T'es gênante, et... Mais elle me le dit tout le temps, Kelly. Elle me dit, mais toi, t'es vraiment la gênance incarnée. Genre, ça me fait. C'est méchant. Mais ça se fait pas, mais c'est la vérité aussi. Bref, le camping se résume à cette chanson Granny, le snack et la mer. Oui, je vais vous expliquer après. Et Béré, qu'on t'entend crier. Au toboggan. Alors je vous explique, j'étais à un camping. Avant, n'oubliez pas les paroles. Oui, voilà, avant, n'oubliez pas. Et en fait, on était dans un, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, un bungalow, et juste à côté des toboggans. Et en fait, ma sœur, donc, elle y allait dès 8h du matin. Mais on l'entendait crier dans les toboggans juste à côté de nous, mais on le reconnaît son cri, voilà. Tu vois. Oui, elle faisait ah comme ça, genre. Insupportable. Bref, c'était trop drôle. Donc, Granny, c'est un jeu genre gratuit d'horreur sur mobile. Et en gros, genre, c'est t'es dans la une gêne, maison. La dit ta mère. De oui. Mieux en mieux. Oui, non, mais la gênance, c'est un mot qui n'existe pas, mais bref. Bref. Attendez, je ravalais. Ça va. Le français est une langue vivante, du coup, faut créer des oui, mots. Oui, on tous a le droit, donc, mais oui, parce donc, que comment c'est... ils ont été créés, les mots, ils ont été inventés, donc voilà, on invente des mots pour les créer. Bref. Donc, voilà. Et Granny, en gros, genre, c'est une grand-mère, genre, elle fait trop peur et tout, il faut s'échapper de sa maison et tout. Et genre, c'est gratuit, franchement, je vous conseille de télécharger le jeu. Et bref, du ah, coup, mais on trop faisait... bien. Oui, et on faisait que jouer à ça avec ma cousine et tout, du coup, bah, elle nous faisait trop flipper. Bref, le même snack. C'est un jeu, genre. Oui, oui, oui, ça faisait peur, genre. Ensuite, le snack, donc on prenait des frites à 21h et tout, mais on adore, avec de la mayonnaise qu'on adore. La mer, tous les soirs, on allait à la mer, on regardait les vagues, et des fois, on jouait à Granny devant la mer. Esther. Et voilà, quoi. Tout le monde est parti. Ah, c'est vrai? Non. Ah, j'ai dit ça parce que c'est trop long. En fait, à chaque fois qu'elle raconte sa vie de 300 ans, je lui dis tout le monde s'est barré. Bon, j'arrête, c'est bon, j'avais fini. Allez, on passe à les paroles. Le, n'oubliez pas les paroles. Là, il fallait le la faire. Petite quoi? Non. Tintin. La trompette. Ah, la trompette. Hey. N'oubliez pas les paroles, 5 chansons de 2018 qu'on va bah, avec une française, non, une anglaise et 4 françaises. Ouais, l'anglaise est en première en plus et on l'avait déjà faite, donc c'est simple. Ouais, ouais, c'est, bah, c'est du Ariana. Si vraiment vous trouvez pas, bah, c'est que vous êtes. On l'a tellement entendu d'ailleurs cette chanson d'Ariana, c'est No Tears Left to Cry. On l'a entendu tout l'été. Yes. Et on vous met on en n'oubliez pas les paroles. Direct, en fait, oui, vas-y, mets l'extrait. Allez, c'est parti, extrait d'Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Il y a 5 mots à trouver. Vas-y. Et bah, on attend vos réponses dans le chat. Quelles sont les paroles manquantes? C'est hyper facile. Oui, là pour le coup. Ah mais attends, les points. Été gentil, ah, les points, ah les mais points, d'ailleurs, on doit... c'est le points. Dernier N'oubliez pas les paroles de l'année. Oui. Et après les points ils se remettent à zéro. Pourquoi pas, allez. Mais oui, c'est, je l'ai décidé comme ça. Super, meuf, elle décide sans nous donner la vie. Enfin, sans nous demander la vie plutôt. Ça veut rien dire sinon. Alors. Alors, quels sont les points qui sont les trois en première attends, position? J'attends tes réponses. Ah, j'ai pas compris, tu m'as parlé. Quels sont les trois en première position? Excuse-moi. Alors, il y a Inès, Bastien. Non, je vais dans l'ordre. Bastien, Inès et. Béré. Non, et Kelly, pardon. Donc, Bastien qui a 28 points, Inès qui en a 24 et Kelly qui en a 15. Et juste derrière Kelly, il y a Béré qui en a 14. Bastien en a 28. Ouais, ouais, ouais. Mais il est là, tous les n'oubliez pas les paroles. Ah, hein, c'est Sandrine. Pour ça. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? Oui, voilà. Est-ce la bonne? De quoi? Ah, d'accord, ok. Eh ben, on va voir si c'est la bonne réponse. Le suspense est à son comble. Bastien, mais t'es vraiment nul. C'est pas possible. Les 28 points. Pick-it-up. Attention, on écoute la bonne réponse. It is left to cry. Voilà, c'était ça la réponse. C'était ça la bonne réponse. Du coup, left to cry. En ça plus, fait... on l'avait déjà fait celui-là. Mais Bastien. Oui, ça fait Kelly qui a 16 points et Sandrine qui en a 11. Voilà. Voilà. Un point et Bastien. Pour Sandrine et Kelly. Ben non, c'était pas picking it up. Béré est pas en état de jouer. Elle a une poussée de fièvre. Oh mince. Ah, elle est malade. Ça, on a parlé de raclette, ça y est. Ouais. ça l'a dépassé. Ouais. Non, mais c'est trop tard, Bastien. C'est trop pour N'essaie elle. Pas de tricher. Ouais. Tu es en avance, Bastien. C'est pas bien, Bastien. C'est pas bien. La deuxième chanson, c'est parti. Il y a 4 mots à trouver. Elle est super simple, on l'a entendu 500 fois c'est... aussi. Oui, je l'adore. C'est bah, annoncer le titre. C'est Copine de Aya Nakamura. On est en train de chanter les paroles, heureusement c'était coupé le micro. Ah, j'ai eu peur. On a eu chaud, on a failli vous donner les paroles. Enfin, en tout cas, normalement vos micros étaient coupés quoi. Non, moi il était pas coupé, j'ai fait je crois. Non, mais normalement il y a 4 mots à trouver, c'est simple. Donc voilà, les 4 mots à trouver. Est-ce que vous auriez trouvé? Moi, oui, quand même. Je l'ai par cœur cette chanson. C'est simple, c'est la fin d'année, il faut que ce soit simple. C'est relax. Basique, simple, on aurait pu la mettre celle-là. Ah oui, basique, c'est vrai. Mais... C'est vrai, on l'a entendu mais en plus. De quoi on l'a entendu? Bah, cette basique. Ouais, on l'a beaucoup entendu, oui, genre. J'avoue. Alors. Alors, il y a du Bastien qui dit je crois qu'il a flashé. Sandrine, je crois qu'il a flashé aussi. Bien. On attend encore des propositions. Elle vient de casser tout le suspense, voilà, Esther. Ah, bah je sais plus, moi je sais plus s'ils t'entendent ou pas. S'ils t'entendent en fond, mais pas trop. Et ben. Donc Kelly, je te le compte quand même. Trop en fait, sympa. C'est Béré qui m'a soufflé. Ah bah elle n'est pas en état de jouer, mais elle est presque un peu. Enfin, ça elle est pas en état de jouer, mais un peu quand même. Ouais. Et ben on écoute la bonne réponse. Attention, 3, 2. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en telle. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, t'as ma tête fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Mais tu es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Qu'entre vous et moi, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus sympa. Mais à chaque fois, il fait ça, il laisse 10 000 ans. C'est parce que c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Oui, c'est pas gentil. Donc, du coup, qui a les bons points? Bah, Sandrine, Bastien, Kelly, hein, tout le monde. Alors, Sandrine, oui, donc triche. Sandrine, ça fait 12 points, Kelly 17 et Bastien 29. Ah, ça va de la triche, on s'en fout, c'est le jour de l'an, on peut tous s'excuser. Imaginez, oui, on est tous bourrés, c'est vraiment le 31 là. À cette heure-ci, on est déjà bourrés. Non, je déconne. À cette heure-ci, il y a encore personne à la moi, soirée. Moi, je bois pas, donc. Moi non plus. Voilà. Donc, comme ça, on passe une. Sans alcool, la fête est plus folle. Exactement, en plus, c'est vrai. Hein. C'est gênant quand je dis ça. Bref, attendez, c'est le refrain. À mes copines. À mes copines. On va passer à la troisième chanson. Attends, faut qu'on s'écoute la trompette. On l'écoute plus souvent d'habitude. Vas-y. Le troisième musique. Ça peut rien donc, dire. La troisième Dadju. Musique. Dadju, jaloux. Celle-là, vous l'avez entendue forcément. Ah, elle est trop bien. Béré, tu la connais par cœur, donc tu as intérêt à souffler à maman. Oh, les paroles, elles sont hyper simples. Ou alors à jouer. Celle-là, les paroles sont hyper simples. Attention. C'est parti. J'ai mis la réponse deux fois. Alors attendez. Je vais me remettre. Ah, mince, t'as pas mis le bon extrait. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est pas préparé. Aïe, aïe, aïe. Si je vous jette. Ouais, j'ai fait un enchaînement. Grave. Ouais, super. On est très contents. Alors attendez, voilà, Hugo, l'extrait de Dadju, c'est bon. Voilà, super. C'est bon, le problème est réglé. Attention, extrait de Dadju, jaloux, je veux toutes les paroles de toute la musique. Non, je rigole. Que les mots manquants, et il y en a 4 à trouver. À qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ah, voilà. Là, là, là, là. Attention, les trompettes. J'ai failli faire tomber Céline. Oh non. Oh non. Bon, Béry, moi je te conseille de jouer avec ton compte si tu veux gagner des points. Ouais. Mais de toute façon, parce que c'est le dernier, n'oubliez pas les paroles de l'année. Hein? C'est. Non? Oui. N'importe quoi. Laissez tomber. Et n'essayez pas de me rattraper, surtout. J'ai pas compris ce que t'as dit en fait. Et je disais. Non, mais je parlais, enfin, on comprenait pas. parce que j'étais en train de chercher mes mots. Mais nous, on a bugué. Bref, en fait. Ouais. Il y a eu un gros bug. Alice aussi, elle a bugué. On t'entend pas. Alice, elle est là. Elle regarde. Et elle parle tellement pas que son micro, il est même plus à sa bouche. Aucune émotion. Alors. C'est drôle. Ensemble, on est stylé. Bastien, Sandrine propose ça. Vous pouvez donner à Béré ce point. Ok, c'est bon. Eh ben écoutez, on va écouter la bonne réponse. Attention. Suspense. À qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas... La la la la. Alors, du coup ça fait 15. En fait Alice elle est là que pour chanter. Ça fait 15 points pour Béré et 30 pour Bastien. Waouh. Le King, bah Bastien, comme tu seras le roi parce que personne peut te rattraper là. Tu n'oublies pas les paroles, tu pourras venir faire un coucou. Je suis le roi, tu n'oublies pas les paroles. Quoi. Ouais, enfin, après, voilà. Attends, il reste 2 chansons. Oui, alors c'est quoi? Ma chérie, c'est... tu es jolie. Avec un cœur. C'est Marwa Loud après. Marwa Loud. Marwa Loud. Marwa Loud. C'est Fallait pas. Marwa Loud, c'est Fallait pas. Celle-là, on l'a beaucoup trop entendue comme musique. Ouais, mais on la réécoute. Manquant. 8 mots, ah ouais, mots pas mal. C'est beaucoup. Avec hein. L'alcool, la fête est plus. Non. Non, sans alcool, la fête est plus folle. Bastien, calme-toi. Détends-toi. Bastien, de l'alcoolique anonyme. Enfin, anonyme, du coup. Bonsoir, Bastien. Bon, on écoute l'extrait de Marwa Loud de Fallait pas, 8 mots à trouver. Quand l'extrait se termine, vas-y, go. Vous nous dites les mots manquants. Poto, je déconne, ouais, je déconne. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle est conne, qu'est-ce qu'elle est conne. Tu repartiras pas sans son phone, sans son phone. Ah la la la la la la la la. Ouais, on va faire la la la. On fait toujours ça, attention trompette. Mais en fait yes. Ça m'a donné envie de la réécouter. Ouais mais moi aussi pareil, les musiques qui passent là. Et comme ben, ça j'ai on envie. On écoutera peut-être la réponse en entière, pourquoi pas. C'est sa chanson en entière la réponse donc, Ah bah ouais. Bah après la réponse donc on attend vos propositions. Proposition. On est toujours en train de faire les accents depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'on a. Écoutez, ça fait 1h40, on est là, ça fait déjà c'est 1h40. Vrai. Ouais. Ça fait 1h45 ça a commencé. Il fait déjà nuit, je pense, du coup. Oh, il fait nuit depuis très longtemps déjà. Ouais, non, on est arrivé. Depuis qu'il fait 18, en fait, depuis qu'on a commencé, il fait nuit quasiment. Du coup, on attend vos 8 mots. Elle tourne plus qu'un tube à la radio pour Bastien, il a dit. Là, on a parlé avec Béré pendant l'extrait. Ah, faut remettre l'extrait. Alerte, alerte, faut remettre l'extrait. On remet l'extrait, attention, chut. Désolé. Ah! Poto, je déconne, ouais, je déconne. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle est conne, qu'est-ce qu'elle est conne. Je repartirai pas sans son phone, sans son phone. Tout le monde la connaît dans le barrio. Quelles sont les paroles manquantes? T'as dit les paroles, Esther. Ouais, t'as dit, fallait pas le dire. C'est pas grave, c'était pour ta maman. C'est la trompette. On mais en fait, tous il a... en même temps, comme il a un dit gros les trucs, je me suis dit, elles peuvent recopier, donc ça sert à rien. Bon bah du coup vous avez la réponse. Hein. On se tait. Je suis trop conne. Du coup ils ont pas encore entendu la réponse avec le décalage. J'ai hâte de pouvoir la muter. Je vais te muter. C'est pas grave, moi de toute façon là si elle répond je leur donne. Bon on peut écouter la réponse du coup. On écoute la réponse. Vous voulez qu'on l'écoute en entière ou pas? Ouais. Bah allez c'est parti. On sait toujours pas. J'y vois. On écoute la réponse en entière. C'est Marwa Loud de Fallait pas. Je crois là, non, c'est beaucoup trop de fois que c'était ça. Oui, on oui. A compris. Voilà, c'est Marwa Loud. On fallait l'écoute pas. En entière parce que. C'est quoi? C'est Marwa Loud, Fallait pas. Tais-toi, Esther. D'accord. A tout de suite. Pour toi, je déconne. Fallait pas. Pas tout donner. Attention, les trompettes, elles sont de retour. Vas-y. Ne n'oubliez pas, les paroles n'est pas terminé. Il reste une chanson. Symbolique. Est-ce qu'on lui on fait gagner 10 points? Non, c'est pari. 5 points. Ok. 5 points pour celui ou celle qui la trouve. Ah, Bastien. Parce va aller essayer. Là, d'un coup, il m'avait dit oh, c'est bon, j'arrête, je suis le roi. Je suis le roi. Mais là, c'est vrai que t'as remis le titre en jeu. Est-ce que sa place est en jeu? Alors, je regarde. 5 points si vous trouvez cette chanson. Sauf si Inès participe, sa place est en jeu. Ah, non. Si Inès gagne et c'est que lui, il gagne pas. Bon, on fait 10 points. On s'en fout. 10 points. Ok. 10 points. Ok, on rajoute 10 points à celui. C'est toutes les générations. C'est donc. Celle-là, vous avez peut-être entendu. C'est peut-être un peu plus compliqué. Je sais pas à quel moment t'as coupé. Ben regarde, Lille, ouais, ne le dis pas. J'ai vu, mais moi je sais pas, je pense pas que j'aurais trouvé. Ouais. Alice, est-ce que t'aurais trouvé ou pas? Ben en fait, je connais pas la musique. D'accord. Non, tu l'as connu normalement. Bon, bah après l'extrait. Donc voilà, tu vas reconnaître. Ouais. Après l'extrait, tu nous diras si tu aurais retrouvé ou pas. Attention, c'est l'extrait de Thérapie Taxi, Itzal. Il y a 4 mots à trouver pour gagner 10 points. Il y a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie. La la la la la, attention les trompettes. 10 points. 10 points si vous trouvez ces 4 mots manquants. 10 points. 10 points, c'est énorme. Vous pouvez dépasser Bastien. Non. Si, bon, si. Ah non. Non, non. Il y en a pas mal qui peuvent pas dépasser. C'est pas grave. C'est pas grave, au moins vous serez haut dans le classement. Vous pouvez peut-être être en deuxième position. Et juste un petit conseil à Béré. Je te conseille de jouer. Parce que tu peux être en deuxième position. Suspense. Est-ce que vous allez trouver ces 4 mots manquants? Ouais. Kelly, si tu gagnes, tu es en deuxième position aussi. Il n'y a pas de pub. On sait pas, on attend toutes les propositions. Attends, on attend toutes les propositions. Ouais. Il a proposé Bourré dans la nuit. J'aime bien cette petite trompette. Elle vous plaît? Ouais, moi elle me plaît. Les deux sont concentrées là, je sais pas ce qu'elles font. Moi je note les points. Bon, ou peut-être fatigué. Ils sont en train de parler. Bon. Pourquoi ça fait mal? J'arrête de chanter moi. Alors, les 4 mots. Bon, et ben vous ne trouvez pas. Alors que Bébé ne sait pas non plus. Bon, ben Bastien. Tu es officiellement le king parce que tu attention, as 41 points. On écoute la bonne réponse que Bastien a trouvée. C'était évidemment Bourré dans la nuit. Il y a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie. Bourré dans la nuit et ton corps qui se Bastien, voilà. T'es content? T'es premier? Je suis trop content, j'ai gagné. T'as gagné voilà. Quoi? T'as gagné un téléphone? Non. Oh, l'iPhone XR. X, ouais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il a absolument rien gagné, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Bastien, tu as 41 points. Mais vous pourrez vous rattraper parce que dès la semaine prochaine, on recommence à n'oublier pas les paroles. Avec, et on remet tous les points à zéro, donc vous avez des chances d'être premier. Voilà. Si vous suivez, bah, tous les jours, je vais dire adieu. Et on verra parce que, avec un peu de chance, on aura la console la semaine prochaine. Voilà. Et je fais le top 3. Dans les semaines à venir, il y aura peut-être le téléphone qui fera son apparition pour n'oublier pas les paroles. Peut-être. Alors, elle a de la fièvre, elle peut pas réfléchir. Ah. J'ai jamais entendu cette chanson aussi. Normalement, tu l'as entendu. Mais on va mettre le refrain pour après. Vas-y. Alors, le top 3, donc numéro 3, c'est Kelly. SKD, c'est bien. Je suis avec bravo 17 Kelly. Points. Oui, 17 points. Ensuite, top 2, c'est Inès, qui n'est pas là ce soir, avec 24 points. Attention, il y a le refrain. Ici, tout le monde déraille. T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as payé nos entrailles. T'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. La suite du top. Alors, et ensuite, le top 1, bah, Sébastien avec 41 points. Wouhou, je suis trop fort. Qui est loin dans le classement en première position. Et oui, donc faut participer plus activement, les jeunes. Oui, oui, oui. Donc voilà. Bon, là, on va passer du coup au top. Au karaoké. Ouh là là, alors attendez. Faut aller. Attendez. Non, j'y vais. Évitez de. Attendez, je vais faire en sorte que vous m'entendez. Regardez, vous allez m'entendre. On va plus voir Hugo, mais... Ah, je vais baisser un peu. Oui. Vous m'entendez, là? Je vais partir au salon. Alors, Hugo part, mais vous l'entendrez toujours, et nous aussi. Oui. Par contre, moi, je n'entends pas Esther. Ah, papa, tu es là. Viens avec nous. C'est l'heure de ton moment que tu attends. Parce que tu blague peux enlever à papa, tes écouteurs, parce que c'est un auditeur très actif de ce Sbazi Radio. Faut savoir qu'il est toujours là. Allez, vas-y, vas-y, je te suis. Ah bah non, bah alors tu me Allez, suis. Allez, bien, blague à papa. Attention, le il arrive. Ah oui, bah il y a de la fumée, hein, mais il y a de l'ambiance. Hein. Non, j'ai pas teasé, pas de teasing. Attention, suspense. Monsieur blague à papa. Ah ben, attends. Elles sont là. Monsieur blague à papa va commencer. Alors, merci. Attention. Hop. Je vais essayer de relever le niveau de ceux qui ont chanté avant. Alors, blague à papa, dites-nous. C'est méchant. Bref, dites-nous qu'est-ce que vous allez chanter et sur quel air, sur quelle musique. Alors, c'est une surprise. Vous allez reconnaître les premières notes. Dès le début, je pense. D'accord, super. Attention, monsieur blague à papa chante. Et ben, c'est parti. Hein. À vous la scène. Au suivant. C'est comme dans France 5, incroyable talent. Ok, j'arrête. Monsieur blague à papa chante pour vous. Vous pouvez mettre Golden la note buzzer. Sur 10. Non, pas Golden Buzzer, non. T'ambiance pas trop. Poser le pied en canard, c'est la chenille qui se prépare. En voiture les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien et si tu veux, prie la chenille et le bon Dieu. Que je t'ai pas vu faire la petite ingénue avec Pierrot dans le tunnel. Allez, sois pas jaloux, c'est un copain, c'est tout. Tu sais que nous deux, c'est pas pareil. Et vous deux, les pipelettes, lâchez-nous les baskets avec vos histoires de nana. On va vraiment être en retard. Oui, voilà le chef de gare. La chenille, la chenille, la chenille, la chenille, la chenille, la chenille, la chenille, la chenille. Regarde bien l'éléphant bleu qui danse sur l'arc-en-ciel. Sous les bravos des hirondelles, viens par là le troubadour. Je vais lire dans ta main tes joies, tes chagrins, tes amours. Et vous, les amoureux, remuez-vous donc un peu. Et surtout à la prochaine station, restez bien dans le wagon. La chenille, la chenille, la chenille, la chenille, la chenille, la chenille. chenille, la chenille. Est-ce que vous avez trouvé ça bien? Oui. C'était cool. Vous pouvez... Alors, attends, papa, reste avec nous. Reste avec nous. Tu pourrais les remercier d'applaudir déjà. Ah, merci à tous, c'était vraiment sympa. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était fait exprès. Hein, Les paroles, sont pas les bonnes paroles. Voilà. Pour ceux qui avaient regardé La France Incroyable Talent, vraiment tout, il y a les frères Jacquard qui avaient fait cette musique et ça lui a beaucoup plu, beaucoup trop plu même. Donc il a voulu refaire ça, chanter la chenille sur Indochine. Et c'est pas du tout improvisé, 15 jours de répétition intense. Hein. Voilà. 15 jours, ouais. On va se calmer. Hein. Du Mais coup, déjà, danser au moins en même temps, non. Pardon ? Tu dansais au moins en même temps, non. Bien sûr, un bon pogo des familles, quoi. C'est quoi ça ? C'est quoi ça, un pogo ? Putain, mais un petit peu de culture, mon jeune ami. Faut parler jeune, papa. On est sur YouTube, tu sais. C'est vrai, voilà. Mais non. C'est quoi ? C'est quand tout le monde se rentre dedans. Ah oui, c'est bon. Non, je vois pas c'est quoi. Si, quand genre il y a un espacement. Ah là, y a tout oui, qui dans est... les D'accord. fosses, genre dans les ouais, fosses. Ouais, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et ben voilà, bon bah on t'applaudit. Notez sa prestation sur 10. Je sais plus, t'avais ça pris fait au moins 12. Ouais, facile. Oui. Je pense qu'avec Alice on a gagné, je sais plus où ouais, c'est notre note. Mais en fait, c'est trop nul parce que moi, tout le monde s'en fout quoi. J'ai eu des notes nulles. Moi, nous, on nous a pas noté. Il y a qu'un temps. Ouais, il y a eu un 10 sur 10, qui nous a... je crois, pour bah, c'est papa qui nous a noté. Bon, bah, pour l'instant, on est les premiers, du coup, il y a eu qu'une note pour nous. C'est sa danse des punks des années. Oh, bah, ça se fait toujours, hein. Ça se fait toujours. Bon, en attendant vos notes, on va passer au top 1 de. Alors, à votre avis, c'est quoi? Bah, de la chanson la plus. Moi, j'aurais pas pensé que ce serait celle-là. J'aurais pensé que ce serait Dja Dja le top 1, moi. Non, top 1, si, quand même. Moi, je trouve. Moi, je pense elle, c'est obligé. On l'a entendu, mais 10 000 fois. Oui. Alors, on va l'écouter bon, en entier. Le top du coup. 1, c'est ouais. quoi C'est Mafiosa de l'artiste et Caroline. On s'écoute et juste après, bah, on termine l'émission avec les résultats des sondages en haut à droite. Voilà. Tout ça, quoi. Allez, à tout de suite. Et voilà. Ah, je l'adore tellement, cette chanson. C'était ouais, le top tellement ambiançante. Oui, voilà. C'était le top 1 de Deezer. Tu as dit quoi, Alice? J'ai dit tellement ambiançante. Bon, ça se dit. Bah oui, ça se dit. Ambiançante, je sais pas. Non, ambiançante, ça se dit. Ouais, ambiancé, ça se dit, ouais. Ambiance. Voilà. Du coup, ben voilà, c'est la fin déjà. Ça fait 2 heures qu'on est là. Ça t'a plu, Alice? Oui, franchement, très bonne radio. Je reviendrai avec plaisir. Ah, ben ça fait plaisir. Ouais, enfin, ça fait plaisir. Hein. Oh, ouais, ça, c'est pas sûr, ça. Je rigole. Évidemment, on va faire le point sur les sondages. Eh oui, alors attendez, hop, les petits sondages qu'on vous a posés, enfin, les questions que vous a posées en haut à droite. Alors, la semaine prochaine. Oh, ça, on va le garder pour la dernière. Alors, est-ce que vous allez prendre des bonnes résolutions? Du coup, vous êtes finalement 62% à en prendre et 37% à ne pas en prendre. Du coup, bah, j'ai pas voté, moi. Ouais. Non, moi, si, j'ai voté, moi. Alors, bah, pendant que vous êtes là, bah, c'est vrai que vous étiez un peu là toute l'émission aussi. Mais mettez ceux qui sont à la fin, c'est toujours les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, mettez un pouce bleu. Un pouce bleu, pas n'importe lequel, un pouce bleu du vrai qui reste jusqu'à la fin. Bon, du coup, 55% de oui pour les bonnes résolutions, 44% de non. Et est-ce que vous avez passé une bonne année 2018? Oui à 40%, non à 30%, et oui et non à 30%. Et en quelle année on retourne la semaine prochaine? Ce sera en 2014 et je suis contente parce que j'ai voté pour ça. Voilà, la semaine prochaine c'est une spéciale 2014. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les spéciales. Vous en voulez pas de 2012? Ben, ça fait un mois. Oui, ouais. Mais ça fait Merci longtemps. Merci Esther. Le mois de décembre il est passé lentement, j'ai l'impression. Hein. Alors Sandrine nous dit son petit barème, enfin sa note pour les prestations des karaokés d'aujourd'hui. Esther 9 sur 10, Blague à Papa 8 sur 10, ex aequo avec Alice et Hugo. Ah mais oui, mais c'était sa fille aussi. Ouais, c'est que nous, vrai. On a 8 c'est sur 10, gentil à sa fille, elle m'épuce. Je suis là du début à la fin. Mais oui. Névralia, dis-nous qui a chanté le mieux. Ouais, s'il te plaît. T'as préféré quel karaoké? Ta note. Il y avait L'amour brille sous les étoiles. C'est quoi, Sous le vin, la chanson? Oui. Ouais. De Garou et Sendion. Et il y avait Indochine mixé avec la chenille. Moi je dis, on a quand même mieux chanté avec Alice. Oui, Hugo, franchement, on a fait un bon duo tous les ouais, deux. C'était sympa. Et nous, notre duo, c'est très bien aussi. Ouais. Sous le vin. Je vais pas la rechanter parce que. Esther vous a pas dit qu'elle avait un calendrier de la prime? Oui, j'ai un calendrier de l'après, quoi. Ça veut dire un calendrier de l'après. Genre, c'est du 25 au 33. Genre, bah, sérieux ? Oui, genre au 2 janvier, quoi. Et c'est quoi comme calendrier ? C'est un truc, l'Uti, là, les bonbons de Lidl. Et bon, il est pas top quoi. Genre, il y a des chocolats top. Et des bonbons dedans. Les chocolats ils sont pas bons, mais les bonbons, oui. Donc voilà, bref. Bon, apparemment, Nevralia a. Ah non, attends. Esther, ah, c'est trop gentil. Kelly. Bon, du elle coup, m'a mis 3 milliards sur 10. Genre. Ouais, non, mais ça, c'est juste parce qu'elle t'aime bien. Sinon, oui. C'est pas vrai. si. Excuse-nous. Et du coup, bon, bah on est à peu près ex-écho, hein, on va dire. Ouais, on ouais, ouais. Oui, de toute façon, on dit les baisses, même en chantant mal. Vas-y, dis-nous. Moi, je pense que c'est moi qui ai gagné. T'as pas chanté. Bah ouais, je sais. Tu voulais pas en plus. T'as juste gagné, n'oubliez pas les paroles. Je l'ai proposé, il voulait pas. Ah. Non, mais c'est-à-dire que là, t'aurais plus du tout d'auditeur, je sais vraiment pas chanter. Bah, tu crois que je sais chanter. Et non, on sait pas chanter. Non. Dis donc, on a laissé un gros blanc là. On est un peu fatigué, ça fait 2 ans on travaille. On est en train de manger nos bonbons et tout. Oui. Enfin bref, bon ben c'est la fin de cette émission spéciale. Super on émission. On espère replay, que vous avez kiffé. Alors, bah, Alice, si tu. Alors. C'est on a un podcast sur Spotify. C'est pas ça? Si, si, oui, si. Spotify et Google Podcast. Yes, voilà, ça sera replay voilà. Rapidement. Et suivez Sbarré Zara Radio. Merci Alice. Suivez Sbarré Radio sur Insta. Voilà. Et sur Twitter. Et sur, voilà. Yes, évidemment. Pour avoir les news. Voilà. De toute façon, bah, du coup, la semaine prochaine, c'est la spéciale 2014. Et puis voilà. À la prochaine, Alice. Bah, à la prochaine. Et bonne à la soirée. Semaine prochaine, Esther. On est de retour. Oui. Bah... Ah, tu veux dire un truc, Bastien ? Au revoir, mes loulous. Mais Esther, elle est iconique. Ah, ça fait trop plaisir. Et Nazar, il se moque de toi parce que t'as dit Spotify. Mais voilà. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour la spéciale 2014. Non, pas même heure. Parce que ce sera 18h à 19h. Oui. Bah, 18h, 19h. Ouais, bah, bref. Va, oh. À 20h, on sera plus là, quoi. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, ouais. Même jour, même heure pour la spéciale 2014. Ciao. Bisous. Bisous. Vas-y, radio de retour dimanche prochain à 18h sur hashtag.